إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. De toute façon, j'ai perdu quelque chose qui a rapport avec le micro. C'est pour ça que j'ai un peu tardé aujourd'hui. C'est pour ça que maintenant je suis obligé de tenir le micro dans ma main. Alors que normalement il était accroché. Il devait être accroché en mon cou. Al-Muhim, nous sommes toujours avec l'Aqida al-Wasitiya du Cheikh Islam, alayhi rahmatullah. Et Sharh ibn al-Taymiyyah, la rahmo, il y a un peu de Sharh, al-Sheikh, Salah al-Sheikh, hafidahullah, et beaucoup d'autres en même temps, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait parlé la dernière fois de l'Iman, yani, bima wasafallahu ta'ala bihi nafsah. Ensuite, aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, l'Iman bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. On avait parlé la fois passée de la croyance, yani, en ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit lui-même. Et maintenant, on va voir la croyance en ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. Et on avait dit, dans ce qu'on a dit la fois passée, que personne ne connaît yani, Allah subhanahu wa ta'ala mieux que lui-même. En deuxième position, mieux que son prophète sallallahu alayhi wa sallam. En troisième position, mieux que Ahl al-Ilm. Ahl al-Ilm, yani, ladina hum. الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم باسكو اهل العلم كي نون با سويفي السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم من سي اون دي دو اهل العلم مي سو سون لي بلو لي بلو لوان دو دو دو دو كونيتر الله سبحانه عز وجل اون سي كونسيرن سي نون اي سي اتريبيو اوجوردي اون ا دي كو اون با دير باردون il a dit ici le مؤلف وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Et comme d'habitude, comme yani, je préfère revenir juste un peu en arrière pour réviser un peu, pour commencer le début, j'avais dit la fois passée que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il était impossible qu'on puisse les connaître par raisonnement ou là, par méditation. Les noms et les attributs. On doit les connaître seulement à travers le Coran et à travers les hadiths qui sont sahih. Il est impossible que quelqu'un, malgré l'intelligence qu'il puisse avoir, qu'il yani, soit guidé pour connaître comme ça les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est impossible. Il faut qu'il ait avec lui, qu'il se base toujours sur un verset ou sur un hadith pour dire voici un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, juste un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, le Musa'ir. Le Musa'ir, c'est celui qui fait quoi? Celui qui fait les prix. Le Sa'ir, les prix. Car on est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a dit la vie, yani, yani, c'est devenu cher, etc. Les gens, yani, vendent cher. Fais-nous les prix. Il a dit, Inna Allahu al-Musa'ir. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait les prix. Musa'ir. Est-ce que quelqu'un pourrait, yani, tout seul, savoir qu'on dit d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Musa'ir? Ou qu'on dise, par exemple, de lui, tel et tel nom? C'est impossible. Il faut donc, même pour les attributs. On peut, yani, tout seul savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, savoir qu'il a deux pieds, savoir qu'il descend, qu'il rit, qu'il s'étend. On ne peut pas savoir ces choses comme ça. Sinon, on va ajouter de notre tête. Si je vais dire, il a une bouche, il a des lèvres, il a une langue, il a un nez. Astaghfirullah wa ma'adallah. Hada kulluhu. Et tout ça, bien sûr, n'est pas vrai. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a ni un verset, ni un hadith qui dit cela. Donc les plus heureux, ce sont ceux qui connaissent beaucoup le Coran et bien sûr connaissent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va voir lorsque le mu'allif a dit « Wa bima wasafahu bihi rasuluh » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus voué à connaître Allah Azza wa Jal. C'est le plus voué à connaître Allah Azza wa Jal. Et la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit Allah subhanahu wa ta'ala, ça se divise en trois catégories. Des fois il le décrit en parlant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit Allah subhanahu wa ta'ala en parlant. Et des fois il le décrit en faisant des gestes, par des gestes. Et des fois il le décrit par consentement. Il voit quelqu'un dire quelque chose devant lui, il se tait. Quelque chose qui a rapport avec la description d'Allah, il se tait. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il décrit Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien en parlant avec la parole, ou bien avec le geste, ou bien avec le consentement. On va donner des exemples pour chaque chose, inshallah ta'ala. Est-ce qu'il y a le son d'abord? Je voudrais vérifier, est-ce qu'il y a le son? Naam, barakallahu fikoum. Premièrement, en ce qui concerne la parole. En ce qui concerne la parole. Cheikh Ibn Uthaymin, ici, a dit, il s'est basé sur un hadith. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Rabbuna Allah alladhi fi sama'. Notre Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est au-dessus des cieux, qui est sur le ciel ou au-dessus du ciel. Taqaddasa smuk, amruka fi sama'i wal ard. Il s'est basé sur le hadith. Mais ce hadith, malheureusement, c'est un hadith faible. Mais ça n'empêche que ce qu'il a dit est vrai. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Donc, laissons ce hadith, basons-nous sur des hadiths sahih, par exemple. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ala ta'manuni wa ana aminu man fi sama yatini khabar sama sabahan wa masahan, sabahan wa masahan, c'est un hadith sahih. Et dans le Jam' sahih de Sheikh al-Albani, numéro 2645. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux compagnons, il dit aux gens, yani, à peu près, je donne à peu près son sens, vous ne me faites pas confiance, ou ana amin, alors que je suis yani, celui en quel a fait confiance celui qui est au-dessus des cieux. Yani, par Allah subhanahu wa ta'ala, moi vous ne me faites pas confiance, yani, alors que Allah subhanahu wa ta'ala me fait confiance ici. Le témoin c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit en parlant que Allah subhanahu wa ta'ala se trouvait au-dessus des cieux. Il a dit, Ala ta'manuni wa ana amin man fi s-sama' wa ana amin man fi s-sama' ya'tini khabaru s-sama'i sabahan wa masan. Il a dit, je suis l'homme de confiance de celui qui est au-dessus des cieux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit Allah subhanahu wa ta'ala qu'il était au-dessus des cieux. Des fois il le décrit, Allah subhanahu wa ta'ala, avec des gestes. C'est peu, mais il y a dans la sunna. C'est peu comme j'ai dit, mais il y a dans la sunna. Comme vous connaissez fi Hajjat al-Wada', quand il a fait le prêche qu'il avait fait fi Hajjat al-Wada', ensuite, qu'est-ce qu'il faisait? Ensuite, il disait, Ala hal ballaght? Ala hal ballaght? Est-ce que j'ai révélé ou j'ai parlé? Est-ce que j'ai révélé? Il disait trois fois. Ala hal ballaght? Trois fois. Ensuite, il dit, Allahumma shahad. Oh Allah, sois témoin. Et qu'est-ce qu'il faisait? Yarfa'u isba'ahu ila as-sama' wa yunkituha ila an-nas. Il disait, Allahumma shahad. Oh Allah, sois-en témoin. Et en même temps, il levait son doigt vers le ciel, levait l'index vers le ciel, et il le descendait et pointait avec son doigt les gens. Il le dirigeait vers les gens. Une fois, il le lève vers le ciel, il dit, Allahumma shahad. Yani, il parle d'Allah. Il lui dit, Allah ashhad. En levant, en fixant la main vers le ciel, il parle à Allah. Ensuite, il descend, il la dirige vers ceux qui sont en face de lui, et il dit, Allahumma shahad, trois fois. Donc ici, il a décrit quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Il l'a décrit avec quoi? En levant la main, yani, en haut. C'est comme, par exemple, il y a deux personnes devant moi, un à gauche, un à droite. Je pointe mon doigt, mon index, vers celui de la gauche. Je lui dis, parle, allez, témoigne, parle. Pourquoi? Parce qu'il est là en face de moi. Donc j'ai dirigé mon doigt vers lui pour lui dire que c'est toi que je veux, parle. Maintenant, quand le prophète Hassan a levé son doigt vers le haut, parce qu'il voulait être au-dessus des cieux. Il était dans la mosquée. Et quelqu'un est venu dire, On me dit, il n'y a pas de sang. Abou Abdelaziz, tu es sûr? On est venu, quelqu'un lui est venu, lui a dit, Ya Rasulallah, yani on n'a plus d'eau, on va mourir, c'est la sécheresse, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a directement levé ses mains vers le ciel et il a commencé à faire le doua. Donc vous remarquez, la hawla wa la quwwata illa billah. Vous savez que on a beaucoup, beaucoup donné de dalil que Allah subhanahu wa ta'ala était au-dessus des cieux. On a fait deux ou trois doros spécialement pour prouver qu'il était au-dessus des cieux. C'est pour ça que maintenant, on ne va pas redire cela. Mais ça viendra encore une fois. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas entendu ceci. Ça viendra encore une fois. Je disais maintenant, même si par fitra, laissons les dalils de côté. Laissons les dalils de côté. Parlons seulement avec la fitra. La fitra, c'est la chose avec laquelle on est né. La nature qui est en nous. Pourquoi la nature humaine? Pourquoi quand on fait des doigts, on a toujours, on est voué à lever les mains vers le ciel? Pourquoi on ne lève pas les mains comme ça en face, ou là on ne lève pas les mains, on ne regarde pas nos pieds, on ne regarde pas le sol, on lève les mains? Pourquoi toujours on lève les mains vers le ciel? Parce que c'est une fitra, c'est quelque chose qu'on ne peut pas démentir, on dit non, ce n'est pas vrai. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas vrai qu'il est au-dessus des cieux. N'importe qui, quand il veut faire des doigts, il lève toujours les mains vers le ciel, par instinct. Et toujours si il a un problème ou là, il dit Ya Allah, il regarde vers le ciel. Toujours. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait la prière avec les juifs, ils se dirigeaient tous vers Palestine. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait toujours contrarier les juifs et les chrétiens. Il n'aime pas qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Il voulait, il souhaitait que Allah subhanahu wa ta'ala change de qibla. Il a beaucoup souhaité cela. Qu'est-ce qu'il faisait le prophète? S'il marchait dans la rue, qu'est-ce qu'il faisait? Il levait sa tête et ses yeux vers le ciel. Demandant, sans parler, mais seulement il regardait vers le ciel. Ya Allah, fait descendre quelque chose, qui, de façon à ce que on change de qibla et que je ne me dirige pas, moi et les musulmans, comme les yahoud, vers la même qibla. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il levait les yeux toujours vers le ciel, attendant que quelque chose descende, un verset descende, que Jibril, alayhi salam, descende. Allah Azza wa Jal lui a répondu, il lui a dit dans le Coran, « قَدْ نَارَ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً فَرْضَهَا » Il a dit, « Nous te voyons tourner ton visage vers le ciel. Nous te voyons tourner ton visage vers le ciel. On va, inshallah, te donner une qibla qui te plaira. Donc le prophète, qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait vers le haut. Pourquoi il ne regarde pas vers le bas, ou là, ni à droite, ni à gauche, ni derrière? Il regarde toujours vers le haut. Car comme ça, tout le monde sait par nature que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Et des fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est rare, mais ça s'est fait, qu'il décrive Allah subhanahu wa ta'ala en même temps, avec la parole et en même temps avec le geste. Il l'a fait une fois. Il le décrit en même temps, en parlant et en même temps en faisant un geste. C'est dans le hadith sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu une fois le verset qui dit « Inna Allaha kana sami'an basira ». Le verset commence un peu plus avant. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil-'adl. Inna Allah kana sami'an basira. Il a dit Inna Allah kana sami'an basira. En même temps, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah kana sami'an basira, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le voyant, c'est lui l'audient. Qu'est-ce qu'il a fait? En même temps, il a mis l'index sur ses yeux et le pouce sur son oreille. En même temps, il a mis le pouce sur son oreille et l'index sur les yeux. Il a dit « Inna Allaha kana sami'an basira ». Bien sûr, il n'a pas voulu dire qu'il a une oreille comme notre oreille. Il n'a pas d'oreille. Ni il a des yeux comme nos yeux, mais il a voulu montrer quoi? La vue et l'ouïe. Il parlait de la vue et de l'ouïe et il ne parlait pas de l'œil ni de l'oreille. Donc ça aussi c'est un hadith sahih. Donc en même temps il a dit Sami'an Basiran, en même temps, il a mis sa main sur son oreille, le pouce, et l'index sur son œil. Et troisièmement, comme je disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, il décrit Allah subhanahu wa ta'ala par consentement. Par consentement, c'est-à-dire il entend quelqu'un dire quelque chose et il ne lui dit pas c'est faux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous devez sûrement tous savoir que sa sunnah, c'est pas seulement ce qu'il dit et ce qu'il fait, mais c'est aussi son consentement. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yuqirru ahadan ala batil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais il n'entend quelqu'un dire quelque chose de faux, il ne se tait. Jamais. Car s'il se tait, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire donc c'est vrai. Donc ce qu'a dit cette personne est vrai. La preuve, le prophète alayhi wa sallam l'a entendu, l'a pas corrigé. Donc de là, au solion et le ulama ont pris quoi? Ont pris que on peut prendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam du consentement. C'est-à-dire s'il entend quelque chose dire quelqu'un, il ne le corrige pas, ça veut dire que cette personne, ce qu'elle a dit, c'est quelque chose de vrai. Et l'exemple le plus connu, c'est le hadith, bien sûr, il est dans le Bukhari, c'est le Sahih, le juif qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, on trouve dans nos livres, pour Allah subhanahu wa ta'ala, la terre, il la mettra sur un doigt. Il mettra le ciel sur un doigt. Il a commencé à citer les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qu'il va mettre sur ses doigts subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ri jusqu'à ce qu'on ait vu, yani ses molaires. Yani tellement ça l'a fait rire qu'il a ri jusqu'à ce qu'on ait vu ses molaires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Yahoudi, le juif ici, ce qu'il a dit était vrai. Si c'était pas vrai, l'orico, il lui dit non, tu te trompes. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de doigts. Toi, tu as dit, il met la terre sur ses doigts, les yeux sur ses doigts. Et deuxièmement, il ne met pas. Allah ne met pas ces choses. Donc, quand il s'est tu, on a su que ce qu'a dit le juif était vrai. Ce qu'a dit le juif était vrai, non. En fin de compte, le chrétien et le juif, c'est pas tout ce qu'il dit, ce qu'il est faux. Il dit des choses vraies, il dit des choses fausses. Parce que leurs livres ont été altérés et déformés. Mais il y a des choses qui sont vraies jusqu'à présent dans leur livre. Il y a des choses qui sont vraies. C'est pour ça qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il est dit que lorsque les gens du livre vous parlent, ne les croyez pas et ne les démentez pas. C'est-à-dire que tu lui dis pas, tu mens, c'est pas vrai et tu ne crois pas. Car il est possible que ce qu'il a dit soit vrai, comme il est possible que c'est une chose déformée. Donc on ne le croit pas, on ne lui dit pas, c'est pas vrai. Sauf s'il dit quelque chose qui contrarie ce qu'il y a dans notre livre, ou là dans notre sunnah. S'il dit que Allah subhanahu wa ta'ala est trois, on lui dit non. Qul huwallahu ahad. S'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, ne s'est jamais marié, on lui dit non. Il s'est marié avec 13 au moins. Et comme ça. Donc, mais s'il dit des choses dont on ne sait pas, il n'y a pas dans notre livre, on se tait. On ne doit ni le croire, ni lui dire tu mens. Et par consentement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit aussi Allah par consentement. Ici, il l'a décrit en consentant, en se taisant sur ce qu'a dit le juif. Le juif, qu'est-ce qu'il a dit? Allah subhanahu wa ta'ala prenait les cieux et la terre et la mer et ça, il les mettait sur des doigts. Il s'est tu. Ça veut dire que c'est vrai. Allah va prendre la terre et ça, et les mettre sur chacun sur un doigt. Et en même temps, il y a un autre hadith qui aussi par consentement, c'est que vous connaissez la bergère, que quelqu'un, son maître, l'a giflé une fois. Quelqu'un avait une bergère, donc il y a une, bien sûr, c'est une esclave. Et l'esclave, il travaillait bergère, il l'a giflé. Alors qu'en islam, quand on gifle, ou là on frappe, en général, un esclave, on doit l'affranchir. Esclave, dès qu'on le frappe, dans le gifle là, on doit l'affranchir. Donc ici, quand il a frappé, son maître a dit, donc, je crois qu'il faut que je l'affranchisse. Bien sûr, surtout si c'est une croyante. Il a dit, mais maintenant je ne sais pas si c'est une croyante, il faut que j'aille au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dire mon cas. Quand il lui a dit son cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu voir si c'était une croyante. Première question qu'il lui a posée, il lui a dit, où est Allah? Aïn Allah? Et elle a dit, fissama. dans les cieux, au-dessus des cieux. Il a dit, qui suis-je? Elle a dit, Muhammad, Rasulullah. Il a dit, i'tiqha. Il a dit, libère-la, affranchis-la, si tu ne croyons, si tu n'es un mu'mina. Donc, elle l'esclave, la bergère. Quand elle a dit que, Allah subhanahu wa ta'ala était au-dessus des cieux. Fissama, ça veut dire, fursama. Quand elle a dit, était au-dessus des cieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est une croyante affranchie là. Donc, ceux qui disent, les pauvres et les égarés, qui disent que c'est interdit de dire où est Allah. C'est interdit. Pourquoi? Parce que si tu dis où est Allah, ça veut dire que tu l'as mis dans une place. Où est Allah? Où est Mohammed? Où est mon livre? Mon livre est sur le bureau dans ma chambre. Où est Mohammed? Il est dans la cuisine assis. Où est Allah? Ça veut dire que tu vas le mettre dans une place. Dans une place. Voilà leur quoi? Leur délil. Entre parenthèses, ils croient que c'est un délil. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala dit une chose, ou le prophète Aslam dit une chose, tous les autres délils deviennent quoi? Deviennent toile d'araignée. Il n'y a plus de délil. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a posé cette question et Allah azza wa jal nous a dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا et إِسْوَةٌ حَسَنًا les deux. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même s'est posé cette question et nous a montré par conséquent que cette question se pose. Que cette question se pose. Bien au contraire, on dira même le contraire, yani, pire que cela, c'est avec la réponse de cette question, ou bien c'est même en posant cette question, que tu sais si quelqu'un, au moins, est plus ou moins salafi ou ne l'est pas. Yani, si je dis à quelqu'un, oui Allah, ou est-ce qu'on peut, on peut poser la question à Allah, si il accepte, il dit ça se pose, ou il répond, etc., je ne vais pas dire que c'est un salafi. Le salafi, ce n'est pas celui qui sait seulement cette question. Mais je dis, au moins, yani, il a des choses de salafi. Mais, pourquoi ça peut être un test? Et si je lui dis, par exemple, que pense-tu on demande où est Allah? Il me dit, non, ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. C'est haram, c'est kada. Je sais d'avance et d'emblée que celui-là, il faut, yani, il faut l'éloigner un peu de moi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un... Quand je dis il faut éloigner, je parle de, par exemple, si une femme, c'était son prétendant. Si une femme, c'était son prétendant. Yani, elle l'éloigne. Il est très loin de la harida. Mais c'est un, quelqu'un comme nous, on lui fait la da'wa, bien sûr. On lui apprend, on lui donne les dadil, etc., etc. C'est pas, yani, on rejette les gens parce qu'ils coincent. Est-ce que nous, on connaissait ce que ça se disait il y a, 30 ans, ou là, je ne sais pas quand, est-ce qu'on connaissait? Nous aussi, on connaissait pas le deal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a aidé et qui nous a appris. Et j'ai dit, une fois, je l'ai dit, je le redis, j'ai dit, ce qui est malheureux maintenant de nos jours, c'est que tu trouves des gens qui ont des doctorats. Doctorats en quoi? En théologie et sciences islamiques. Masha'Allah, sciences islamiques. Doctorat min Azhar. Azhar ou je ne sais pas où. Masha'Allah, doctorat. Et il te dit, on ne dit pas Ayn Allah. Ça ne se dit pas. C'est bid'a, c'est haram. C'est qu'Ada, tu veux ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à des personnes. Et qu'est-ce qu'on fait du hadith? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est trompé. Non, mais il s'est trompé quand il a demandé à la bergère où est Allah. Il y a deux choses l'une. Ou bien toi tu t'es trompé, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est trompé. Maintenant, il n'y a pas une troisième solution. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Toi tu t'es trompé, le hadith est sahih, ou là on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est trompé. Il ne fallait pas qu'il dise cela, il s'est trompé, et il ne connaît pas le din. Toi, inshallah ta'ala, s'il était vivant, tu lui aurais appris. Tu lui aurais corrigé. Il aurait dit, ça se dit pas, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça se dit pas. Faut dire, ça se dit pas, qu'est-ce que tu fais? Attention. La hawla wa la quwata, illa billah al-ali al-azim. Naam. Ensuite, il a dit, comment qu'on croit en Allah subhanahu wa ta'ala? Il a dit, min ghayri tahrif wa la ta'til, wa min ghayri takyif wa la tamthil. Naam. Min ghayri tahrif wa la ta'til, wa min ghayri takyif. Quand on croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des noms et il a des attributs. Voilà, si quelqu'un va me dire, moi je crois, Allah subhanahu wa ta'ala, il a des attributs. Il est aziz, il est rahim, il est samia, yanzil, yadhak, yagdab, yaji, lahu aina, lahu rijna. Naam, voilà, je crois en tous ces attributs, masha'Allah, et je les maintiens en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais maintenant, à savoir comment il va croire en ses attributs. Il est possible que quand ils disent Allah subhanahu wa ta'ala demain, il est possible que cette personne croit que les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala sont comme mes deux mains, avec des ongles, avec les triados, avec la pomme, avec la chair, avec là. C'est possible qu'il croit comme ça. Quand je dis Allah subhanahu wa ta'ala a deux yeux, il est possible qu'il croit que l'azur a des yeux avec des cils, des sourcils, le noir à l'intérieur, le pupille, l'index. Comme ça, il va croire. Et qu'il fait comme nous, yani, on ferme les yeux, on ouvre. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc, il faudrait maintenant qu'on sache qu'est-ce que ça veut dire croire en les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Cheikh l'Islam et beaucoup de ulama, bien sûr, ont dit, pour croire la vraie croyance en les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut ne pas faire quatre choses. La première des choses, min ghayri tahrif. Min ghayri tahrif. Sans les déformer. Ou min ghayri ta'til. Sans les nier. Ou min ghayri takyif. Sans demander le comment. Ou min ghayri tamthil. Et sans s'interroger. Min ghayri tamthil à point. Sans ressemblance. Et aussi, ça s'appelle anthropomorphisme. L'anthropomorphisme. C'est la ressemblance. Ou l'ayadu billah. On va commencer par le premier. Donc, il faut ne pas faire quatre choses. Déformation, négation, interrogation sur le comment qu'il descend, comment qu'il fait, le comment, et anthropomorphisme, ça veut dire ressemblance. On commence par le premier, tahrif, la déformation. La déformation, elle peut être dans le mot, comme elle peut être dans le sens. La déformation, elle peut être dans le mot, comme elle peut être dans le sens. Et elle peut être en ajoutant, comme elle peut être en retranchant. Et elle peut être en ajoutant, comme elle peut être en retranchant. Donnons un exemple où il est donné, par exemple, où il y a le cas de tahrif, ça c'est déformation, en ajoutant. On va ajouter quelque chose. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il a dit, وَقُولُ حِطَّةٌ وَقُولُ حِطَّةٌ dites, par le juif, dites, حِطَّةٌ يُخْفَرْ لَكُمْ خَطَايَكُمْ يُخْفَرْ لَكُمْ خَطَايَكُمْ. Qu'est-ce qu'il a dit, l'Ospanote? Il a dit, dites, حِطَّةٌ حِطَّةٌ, ça veut dire, لا إله إلا الله. Pourquoi? Parce que لا إله إلا الله تَحُطُّ الذُنُوب وَتُكَفِّرُهَا. Parce que tu dis, la ilaha illallah, tu as annulé tous les péchés que tu avais faits. Je veux dire, quand quelqu'un était kafir, il rentre en islam, il dit, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tout ce qu'il avait fait dans le couple, khlas, ça s'est annulé. Et bien au contraire, si son islam est un vrai islam, il va bien appliquer, Allah Azza wa Jal, yani, va lui donner la faveur de transformer tous ses péchés en hasanat. Pour qu'il chauffe Allah subhanahu wa ta'ala, la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qu'ils disent pas quoi? Ils disent, moi, yani, j'ai fait la conversion à l'âge de 60 ans. 60 ans, c'est parti. Donc, tous les musulmans me dépassent de 60 ans. Ceux qui sont de mon âge ont 60 ans d'action plus que moi. Là, je lui dis, non. Tout ce que tu as fait dans le passé va maintenant, inshallah ta'ala, devenir des hasanat pourvu que ton islam soit, inshallah ta'ala, un islam bon, un islam parfait. Ça y est, je disais cela, où est-ce que j'en étais? Naam. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux juifs, dites, chitta, qulu la ilaha illa. Wa qulu chitta, yughfar lakum khatayakum. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit chinta. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dites chitta. C'est seulement trois lettres. C'est seulement trois lettres. Je vais écrire ces trois lettres ici. Dites chitta. Chitta. Non. Qu'est-ce qu'ils ont dit, eux? Ils ont dit chinta. La hawla wa la quwwata illa billah. Bon, j'ai écrit en français, je me suis trompé. Chinta. Non. Chinta. Regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté une lettre. Là, je l'ai dit chinta. Ils ont ajouté une petite lettre. Chinta. Chinta, c'est la ilaha illallah. Tu rentres en islam et si tu meurs, tu vas, inshallah ta'ala, rester. Yani, éternel au paradis. Mais si tu dis chinta, chinta, c'est un grain de blé. Chinta, chinta, la farine, c'est la farine. La farine, si tu dis la farine, tu vas pas rentrer en islam. Et si tu meurs, tu vas rester éternellement à Jahannam ul-Iyadu Billah. Pour ça, entre parenthèses, je conseille mes frères et mes sœurs d'avoir l'arabe dans leur micro, l'arabe. De temps en temps, j'écris des mots en arabe, etc., pour qu'ils les lisent et ils les comprennent, inshallah ta'ala. Celui qui n'a pas l'arabe, il va lire des mots, yani, de bizarres, des lettres bizarres. Donc, les Yahoudis ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté seulement une petite lettre. Et une petite lettre, qu'est-ce qu'elle fait cette petite lettre? Elle va te laisser éternel en enfer, alors que si tu avais enlevé la petite lettre, tu serais éternel en paradis. Regardez la différence que peut faire une petite lettre. Regardez les Yahoud, comment qu'ils jouent, les Juifs, comment qu'ils jouent avec les textes de Allah subhanahu azza wa jal. Et ils te diront, bien sûr, ce n'est pas grave. On a ajouté juste une petite lettre. Une petite lettre a tout changé ici. C'est la même chose lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ar-Rahmanu ala l'arshi stawa. Il dit, summa stawa ala l'arshi. Stawa, il s'est établi. Stawa, il s'est établi. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Al-Sunnah al-Jama'a marche avec stawa. Ils disent, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, stawa. Je vais écrire le mot ici en arabe. Il dit stawa. Stawa, ça veut dire, il s'est établi. Voilà, stawa. L'Azawajal, lorsqu'il a créé le trône, ensuite après avoir créé les cieux et la terre et le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est établi. Il s'est établi sur Naam. Moi j'ai oublié, j'ai enlevé le micro. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit stawa, il a dit stawa. Regardez stawa comment ça s'écrit. Je l'ai écrit. Ensuite, les autres comme l'Asha'ira, l'Kullabiya, l'Maturidiya, ceux qui yani, déforment les attributs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, on ne dit pas stawa. Parce que si tu dis stawa, ça veut dire tu l'as mis dans une place. Stawa, il s'est établi où? Sur le trône. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, que nous on dit, c'est le plus grand, alors que vous, vous l'avez mis sur une place. Il est sur le trône. Est-ce qu'un trône peut yani, contenir Allah subhanahu wa ta'ala? Non, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un petit L. C'est devenu Stawla. Ils ont ajouté juste la lettre L. C'était Stawa. Ils ont ajouté une lettre. C'est devenu Stawla. Et bien sûr, ils se sont égarés au l'ayat de Billah. Stawla, vous savez que ça veut dire le sens de Stawla? C'est un peu difficile en français, ça veut dire que je connaissais le mot bien sûr, et après longtemps, maintenant je l'ai oublié, ça fait 20 ans, 25 ans que je n'ai pas parlé en français. C'est le mot. Quand quelqu'un, par exemple, rentre, par exemple, les Tatars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils stawlou ala al-Sham. Les Tatars, ils ont envahi, par exemple, et puis un pays musulman, on dit, ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Stawlou ala, ça y est, là. Ils ont pris ce pays. Ils ont pris le gouvernement, ils ont pris ce... On dit Stawla. Donc, si tu dis Stawla, au lieu de Stawa, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a comme fait, starfellah de ce que je vais dire, mais c'est ce qu'ils veulent eux. C'est comme, yani pour qu'il y ait l'istiwla, non, c'est pas Abu Ablazi, c'est pas conquérir. Non, c'est pas conquérir. Pour qu'il y ait Istawla, il faut qu'il y ait comme une sorte de bagarre. Par exemple, il y a quelque chose au milieu, moi je fais une bagarre avec toi, ensuite moi, je Istawla ala mada sur cette chose. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il y avait un autre Dieu, Astaghfirullah, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait la guerre avec lui, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, Istawla, il a gagné, disons il a conquis le trône. Il a pris le trône, il a conquis. Donc il s'est bagarré ou l'a s'entretué avec quelqu'un, ensuite il a pris le trône. La hawla wa la quwwata. Donc ils veulent se sauver. Ils veulent se sauver de quelque chose pour ne pas faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala. Car ils disent, si on dit c'est établi, on l'a fait ressembler à une personne. Donc on va dire autre chose, on va dire il a conquis. Il a conquis et ils oublient quoi? La wazim al-batila. Ils oublient qu'est-ce que ça va leur dire hada, leur mauvaise parole a dit. Qu'est-ce qu'elle va engendrer comme défaut et comme bida' ou l'ayadu billah. Donc elle a dit, c'est une déformation. La déformation en quoi? En ajoutant quelque chose. Et des fois, on déforme en retranchant. En retranchant une chose. Naam. En retranchant une chose, on déforme. Et retrancher, on peut retrancher un mot, ou là on peut retrancher, yani, on peut retrancher haraka, haraka c'est tout. Je donne un exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Il a dit, il y a un châtiment, un grand châtiment, qui attend qui? Qui attend ceux qui font la prière, disons les prieurs. Les prieurs. Il y a un grand châtiment qui attend les prieurs, mais qui? الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Ceux qui sont distraits de leur salat. Hein, ils laissent la salat passer comme ça. Ensuite, ils vont joindre entre les salat sans excuse. Ça, c'est un verset du Coran. Maintenant, si quelqu'un vient et dira, par exemple, Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Allah Azza wa Jalla a dit, il y a un châtiment, un grand châtiment pour les prieurs. Et il se tait. Il ne veut pas dire la fin, où il est dit, les prieurs qui ne font pas la prière à l'heure. Il ne parle pas de ceux qui font la prière. Il parle de ceux qui ne font pas la prière à l'heure. Donc l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Il enlève. Il retranche la fin, il l'enlève, il laisse seulement qu'il y a un grand châtiment pour celui qui fait la prière. Ça veut dire que, alhamdoulilah, celui qui ne fait pas la prière, il est mieux. Il n'y a pas de châtiment. Donc le châtiment, c'est qui? C'est pour celui qui fait la prière. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, bien sûr, il joue avec les textes. Il ajoute et il retranche. Comment qu'il a retranché ici? En se taisant. En se taisant. Il ne veut pas lire la fin. Et pas tout le monde connaît le Coran. Il peut parler avec quelqu'un qui, un chrétien ou là, qui n'a jamais ouvert le Coran, ou l'a entendu un verset, puis il y a un verset qui dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a un grand châtiment pour les prieurs. Il va être étonné. Qu'est-ce que j'ai fait donc? Ici, tahrif. J'ai fait le tahrif, j'ai déformé en retranchant. J'ai pas tout dit, hein, en retranchant. Et, ça peut être aussi dans haraka. Je sais pas comment on dit haraka en français. Par exemple, au lieu de dire Allahu, je dis Laha. Au lieu de dire Allahu, je dis Laha. Au lieu de dire Allahu, je dis Lahi. Ça, j'ai fait une déformation dans une haraka. Dans une haraka. Par exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, par exemple, Alhamdulillah Rabbil Alamin, et à la fin il dit, Ihdina Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Ladina, un signe dialectique. Un signe dialectique. Par exemple, Allah Azza wa Jalla a dit, Ihdina Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Ladina, an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم أنت يا الله أنعمت maintenant je vais dire moi أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت maintenant c'est moi qui ai donné les ni'mas au lieu que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné ces ni'mas أنعمت c'est toi أنعمت moi je dis أنعمت c'est moi ça s'appelle une déformation bien sûr c'est rare ce genre de déformation, mais il existe où? Il existe dans les séfètes. Certains ont fait comme ça dans les séfètes. Surtout les djahmites. Surtout les djahmites. Les djahmites disent que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'attribut. Il a seulement des noms. Et il n'aime pas surtout l'attribut de la parole d'Allah. Yani que Allah subhanahu wa ta'ala parle. Ah ça, il n'aime pas. Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent ne parle pas. Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas. Quand on leur dit Allah Ta'ala a dit dans le Coran وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا c'est un verset, subhanallah, c'est un verset clair où il dit كَلَّمَ a parlé Allahu, Allah c'est le sujet Moussa, à Moussa تَكْلِيمًا regardez, il y a pour, yani en arabe pour confirmer la chose on fait ce qu'on appelle مَفْعُول مُطْلَق yani si tu dis à quelqu'un, Darabtu Muhammad, j'ai frappé Muhammad. Moi, je me dis peut-être qu'il n'a pas frappé yani, avec un coup de poing. Il a frappé par exemple avec un mot. Il lui a dit un mot qui n'est pas bien là. Maintenant, pour être plus sûr que je l'ai frappé, je dis Darabtu Muhammad Darban. Darabtu Darban. Yani, il faut le mot là. Ta'kid, pour être sûr, yani, tu ne peux pas te sauver. Là. Regardez la même chose, il a dit Wa kallama Allahu Musa Tiklima. Kallama Tiklima. Il a parlé. Et à la fin, il a ajouté encore une fois, c'est climat. Subhanallah al-Azim. Malgré cela, les djahmites, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas. Alors, comment vous allez faire ce verset? Ils vont dire, c'est très simple. Au lieu de dire, wa kallama Allahu Musa al-Klima, le shaitan va leur dire, au lieu que vous dites, wa kallama Allahu Musa al-Klima, dites, وكلم الله الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما. Ça devient quoi? Ça devient Allah subhanahu wa ta'ala qui était sujet lors de Jalala, devient quoi? Devient complément d'objet direct. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala qui était lors de Jalala le sujet, il est devenu, walillah al-mathal ala, il est devenu complément d'objet direct. Ça veut dire, au lieu que ce soit Allah, c'est lui qui a parlé à Moussa, c'est devenu Moussa à parler à Allah. Juste à cause d'un petit signe, d'un petit signe. C'était Allah, O, c'était O, c'est devenu A. C'est tout. Comme ça, ils ont fait dans le Coran. Ils sont allés au O, ils l'ont rendu A. Ils ont dit, Alhamdoulilah. Donc, quand Allah, on l'a rendu A, et ils ont dit, c'est possible, ça se dit, pourquoi ça se dit pas. Donc, c'est Moussa qui a parlé à Allah, et c'est pas Allah qui a parlé à Moussa. Et si c'est Moussa qui a parlé à Allah, Allah Azza wa Jalla, pourquoi qu'il aurait écrit cela dans le Coran? Tout le monde parle à Allah. Moi je l'ai, ya Allah, atini, khubz, ya Allah, toubali, ya Allah, khalas, j'ai parlé à Allah. Mais est-ce que Allah Azza wa Jalla nous parle? Allah Azza wa Jalla a voulu montrer dans son qu'il parlait lui aussi. Et pas que les gens lui parlaient. Tout le monde parle à Allah. Quand tu rentres dans la salle, tu dis Allah, tu es en train de parler avec qui? Alhamdulillah, ihdina sirat mustaqim, donne-moi, etc. Tu es en train de parler avec qui? Quand tu fais les doigts, tu parles avec qui? Avec Allah. Mais Allah Azza wa Jalla nous a voulu nous apprendre quelque chose qu'on savait pas, c'est quoi? C'est que lui aussi il parlait. C'est que lui aussi il parlait. Les Jahmites ont dit non. On va changer ce petit signe. Et Alhamdulillah, on sera sorti de ce problème. C'est pour ça que quelqu'un a dit à un grand alam, un Jahmite, a dit à un grand alam, il lui a dit, c'est possible qu'on lise, وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا. On le lit avec le A, c'est pas avec le O. C'est-à-dire pour dire, comme je disais tout à l'heure, tout à l'heure que c'est Moussa qui a parlé, ce n'est pas Allah. Alors le grand alam lui a dit, d'accord, supposons que ce que tu as dit toi, c'était vrai. Supposons. Qu'est-ce qu'on va faire alors avec le deuxième verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَتِنَا, et lorsque Moussa est venu à notre rendez-vous, وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, et son Dieu, yani Allah, lui a parlé. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ كَلَّمَهُ رَبُّهُ. Qu'est-ce qu'on va dire, on va faire ce verset? Il a dit, فَبُهِتَ, l'autre, il n'a plus su quoi répondre. Là, vraiment un verset très très clair. Lorsqu'il est venu à notre rendez-vous, وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, et son Dieu lui a parlé. Lui a parlé. Il ne faut pas dire ces mots, c'est qu'il a dit Dieu, Allah. Il a dit Rabbuhu. Rabbuhu lui a parlé. Donc, Hada aussi, c'est quoi? C'est une, comme je disais tout à l'heure, c'est une déformation. Des fois, on déforme en ajoutant, et des fois, on déforme en quoi? En retranchant. Et ce qui est grave aussi, c'est lorsqu'on déforme les sens. Lorsqu'on déforme le sens. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, par exemple, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. Il parlait au shaitan, il lui dit, qu'est-ce qui t'a empêché de faire la prosternation à ce que j'ai créé avec mes deux mains? Bi yaday. À ce que j'ai créé avec mes deux mains. Eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, subhanallah. Donc, on va dire que Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. C'est grave, hein, ici, on va dire que Allah a deux mains. Moi aussi, j'ai deux mains. Donc j'ai fait ressembler Allah à ma personne. Donc disons, au lieu de dire sah, il a dit deux mains, mais le sens c'est pas les mains. Ça veut dire, pourquoi n'as-tu pas fait la prosternation à ce que j'ai créé avec mes deux puissances? La main, c'est le symbole de la puissance, le symbole de la force. C'est ça, ce que ça veut dire ici, les deux mains. Et bien sûr, ce que disent les égarés, Al-Sunnah al-Jama'a disent non, astaghfirullah. Allah Azza wa Jalla, c'est difficile pour lui, pour dire deux forces, deux puissances, c'est facile. Il a dit yedei. Donc, il parlait. C'est deux mains. Il parlait deux mains. Il a deux mains, deux mains. C'est-à-dire, on n'est pas. Comment qu'elles sont faites? C'est deux mains. Et Allah subhanahu wa ta'ala, demain c'est bête, et demain qui ne meurt, ça ne marche pas bien. Naam, est-ce que maintenant il y a le son? Est-ce qu'il y a le son maintenant? Naam. Je disais que, quand Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit un alam, il a dit, quiconque dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de main, c'est un kafir. Et quiconque dit que Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, comme mes mains, c'est un kafir. Donc, il faut que tu apprennes à être au milieu. Tu dis, il a deux mains, pas comme mes mains. Il a deux mains, pas comme mes mains, pas comme les mains de X, de Y, pas comme les mains de la vache. Il a deux mains très très belles. Si mes deux mains sont belles, qu'en est-il des mains de Allah subhanahu wa ta'ala? Mais je n'ai pas dit qu'il avait des mains comme mes mains. Si je dis il a des mains, deux mains comme mes deux mains, je suis devenu kafir. Et quand je dis il n'en a pas, je suis devenu aussi kafir. Pourquoi? Parce que tu as dit que le Coran, c'est pas vrai. Tu as dit que, voilà, le Coran dit il a deux mains, toi tu dis non, il n'en a pas. Khalina al-ahadith. Ah, al-ahadith, il y en a une dizaine qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. C'est pour ça qu'en fin de compte, les juifs sont mieux que les jahmites en ce qui concerne les attributs et en ce qui concerne précisément l'attribut de la main. Les juifs sont mieux que qui? Sont mieux que les jahmites en ce qui concerne l'attribut de la main. Pourquoi? Parce que les juifs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, dans le verset, la main d'Allah subhanahu wa ta'ala est fermée. Ils ont dit, yaduhu maghloula. Ça, les juifs ont dit, lorsqu'ils parlaient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, pourquoi? Parce qu'ils avaient dit que Allah subhanahu wa ta'ala, quand les Yahoud, yadullahi maghloula. Ils ont dit que la main d'Allah subhanahu wa ta'ala était fermée. Elle était attachée à son cou. On dit, yadullah maghloula. Donc les juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reconnu qu'Allah avait une main, mais ils ont ajouté un défaut. Ils ont dit, elle est fermée. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il avait la main et il a enlevé le défaut. Il a dit, bel yadah mabsoutatan. Et les jahmites ont dit, il n'a ni main ni défaut. Ça veut dire qu'ils ont enlevé les deux. Ils ont enlevé la main et le défaut. Les juifs ont gardé la main et ils ont ajouté un défaut. Ils ont dit, ta main est fermée, n'est pas tendue. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il a la main et il a maintenu l'attribut et il a éloigné de lui le haïb, le défaut. Donc les juifs sont mieux. À la rigueur, ils ont dit, il a une main. Et il a une main, yani, une main qui est fermée, ma'al-asaf, mais au moins ils ont dit, ils ont la main. Jamit dit, non, l'azad n'a pas la main. En ce sens, les juifs sont mieux dans l'attribut de la main de Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être même dans beaucoup d'attributs. C'est pour ça que les ulama disent, celui qui fait ressembler Allah ou bien un attribut d'Allah à une créature, c'est mieux que celui qui dit il n'en a pas. C'est mieux que celui qui nie. Pourquoi? Parce que quand tu dis par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala a une main, par exemple je parle de la main ou là, d'autres choses, de tous les attributs, quand tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala a tel attribut, quand tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala par exemple a la main et tu te trompes, tu ajoutes, tu dis une main comme notre main, celui-là c'est mieux que celui qui dit il n'a pas de main. Pourquoi? Parce que celui qui a dit Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de main, il a fait deux fautes. La première, il a fait la ressemblance, il a cru que Allah subhanahu wa ta'ala avait une main comme notre main. Donc il a dit non, il n'a pas de main. Il dit wahda. Il a une ressemblance dans le cœur. Deuxièmement, il a nié la main. Il a nié un attribut. Il a fait deux choses. Ressemblance, plus il a nié. Et autre, qu'est-ce qu'il a fait? L'autre, il a maintenu. Il a dit, il a une main, mais son défaut, c'est quoi? C'est de dire une main comme notre main. Mais il a une hasana, c'est quoi? De reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala a une main. Le ressembleur. Il reconnaît que Allah a une main et s'est trompé. Il a fait la faute en disant qu'elle ressemble à ma main. Mais celui qui nie, il dit Allah n'a pas de main, il a fait deux fautes. La première, d'avoir ressemblé dans son cœur, parce que pourquoi il nie? Tout nieur et négateur, c'est quelqu'un qui ressemble d'abord. Non, pourquoi je dis Allah subhanahu wa ta'ala ne descend pas? Il ne descend pas parce que je me mets dans la tête qu'il descend comme moi. Il descend d'en haut vers le bas, comme moi je descends de l'échelle, comme moi je descends de mon immeuble. Je dis que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de yeux. Parce que dans mon cœur, je dis que les sourcils, les cils, le pupille, voilà, je ressens d'abord. Je dis que Allah subhanahu wa ta'ala rit, donc il a une bouche, il a une langue, il a un sourire. Donc, voilà. Donc je dis, il n'a pas. Donc chaque personne qui fait la négation, c'est une personne en même temps qui d'abord fait ressembler. Et c'est parce qu'elle a fait ressembler qu'elle nie. Elle dit non, donc il n'en a pas. Donc le ressembleur est mieux que le négateur. Le ressembleur, bien sûr, les deux sont dans le faux. Mais, yani, shar ahoun min shar. Shar ahoun min shar. Ensuite, on va passer, hada, c'est quoi? Tout ça, c'était le tahrif. Tout ça, c'était quand on parlait de tahrif. Maintenant, on va dire une chose. Est-ce que, kullu tahrif, yu'ad bi kufran, est-ce que quiconque fait une déformation, il devient kafir? Est-ce que quiconque fait une déformation, devient kafir? Les ulama ont dit non. Premièrement, il est possible que cette personne qui fasse la déformation ne sache pas. C'est quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, c'est un djihad, c'est un ignorant. Et l'ignorant, même dans la aqidah, quand quelqu'un ignore, Allah subhanahu wa ta'ala ne le châtie pas. Mais il a le ism, pourquoi? Pour ne pas avoir demandé le ilm. Pour ne pas avoir demandé le ilm. Quel est le délit qui ne devient pas kafir? Quel est le délit qui ne devient pas kafir? C'est que le hadith que tout le monde connaît, dans le Bukhari et le Muslim aussi, la personne qui, avant de mourir, a groupé ses enfants et a dit à ses enfants, cette personne, je sais que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il peut, je sais que yani, il va me faire un châtiment, yani, un grand supplice, yani, quand je meurs. Alors, voilà mes enfants, dès que je meurs, brûlez-moi. Dès que je meurs, brûlez-moi. Ensuite, comment qu'on dit yerfoni? Ensuite, hein, comment qu'on dit yerhi? On dit yerhi le kahwa, hein, le café, comment qu'on moule, moulez-moi. Et ensuite, yani, broyez-moi. D'accord. Alors, quand je meurs, brûlez-moi. Ensuite, moulez-moi ou la broyez-moi. Ensuite, prenez mes restes. Donc, de la poudre, je suis devenu de la poudre, hein. Prenez mes restes et mettez-les et allez au bord de la mer, attendez un jour où il y a le vent, un jour où vraiment il y a du vent, et jetez mes restes comme ça, comme la poudre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se disperser avec le vent et la mer. Ah, yani, qu'est-ce qui pourra la regrouper une autre fois? Il a dit, faites comme ça, yani, entre parenthèses, pour que Allah subhanahu wa ta'ala ne puisse pas me grouper. Car s'il me groupe, j'ai fait beaucoup, beaucoup de péchés, je sais que yani, il ne va pas me pardonner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a groupé cet homme. Il a demandé à la mer de rendre ce qu'elle a pris, et au vent de rendre ce qu'il a pris, et l'homme était debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit, pourquoi tu as fait cela? Allah subhanahu wa ta'ala sait pourquoi il a fait cela. Il a dit, ma khafatak ya Rab, j'ai eu peur de toi ya Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, tajawaz anhu, lui a pardonné. Donc, cette personne, comme a dit Cheikh Islam Timia, qu'est-ce qu'elle a fait cette personne? Une grave faute. Laquelle? Elle a cru que Allah subhanahu wa ta'ala ne pouvait pas grouper. Donc, elle a nié quoi? La puissance d'Allah. Allah ne peut pas, yani, si je deviens poudre, il ne peut pas. Il peut seulement si je meurs comme ça. Et si vous me rendez poudre, il ne peut pas me grouper. Est-ce que celui-là est parti, c'est un kafir? Si c'était un kafir, l'azul ne lui aurait pas pardonné. Donc, c'était quoi, yani, son excuse? C'était le djihad. Maintenant, nous, pourquoi on va aller loin? Allons demander à nos mères et à nos grands-mères, et parlons-leur, aqida, et vous voyez, vous allez trouver quoi? Qu'elles sont vraiment loin. Vraiment loin. Pourquoi on va en nous? On va parler des gens. Parlons de nous-mêmes. Moi, je vais à ma mère, je lui demande seulement où est Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne pourra pas répondre. Ou peut-être qu'elle me dira, ça se dit pas. Arrête mon fils. Faut pas dire cela, ça se dit pas. Non. Yani, c'est pour ça que si, moi, de temps en temps, et beaucoup de fois, quand je m'asseyais avec certains amis, je leur dis, on va faire juste un petit test pour savoir, yani, dans quel secte, on disait en plaisantant, bien sûr, on va voir dans quel secte on est. Hein. Je commence à poser certaines questions, par exemple. Où est là, ceci, cela. Et, yani, d'après la réponse, je disais, ça c'est le madhab al-Mu'tazila, ça c'est le madhab al-Asha'ira, ça c'est la secte des Maturidiyya, ça c'est Kullabiyya, ça c'est Kramia, d'après ce qu'il répondait. D'après ce qu'il répondait. Ça ne veut pas dire s'il est Mu'tazili ou là, non, Abadan. Mais il dit des choses du Mu'tazila. Il a un rameau. Il a un rameau du Mu'tazila chez lui. Pourquoi ? Car il a dit comme eux, en cette chose, en cette chose. Et plus on connaît la vraie Aqida, plus on est pur, plus on est pur. Pourquoi Cheikh Al-Albani, dites-moi, pourquoi dans sa da'wa, qui a duré plus de 70 ans, la 80 ans, dans sa da'wa, il se basait sur deux choses, c'est tout. Deux choses, alhamdoulilah, il disait, tasfiya wa tarbiya. Tasfiya wa tarbiya. Tasfiya. Dites-moi comment on dit tasfiya en français. Quand on a par exemple le lait ou là, hein, on le met dans un lahot pour sa foi, pour qu'il n'y ait pas par exemple le beurre à la, il reste seulement pur, purifié, tasfiya. Disons purifié. La purification. Tasfiya ou tarbiya. Cheikh Al-Albani dit, quiconque ne fait pas la purification et tarbiya, l'éducation, il n'a pas encore compris l'islam. Pourquoi ? L'islam était pur, pur, pur, comme il est descendu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, l'islam a commencé petit à petit à être altéré, à être déformé. Pourquoi ? Il y a des gens nouveaux qui sont rentrés. Il y a les Perses, il y a les chrétiens, il y a des gens qui sont rentrés. Ils sont rentrés avec quoi ? Avec leur aqida. Donc, et ils disaient que voilà, l'islam a dit cela, l'islam dit ceci. Donc, l'islam, imaginez depuis il y a 15 siècles ou 14 siècles, jusqu'à nos jours, combien de choses sont rentrées dans l'islam et dans l'islam est barré, il est désengagé. Imaginez combien il y a de bidats maintenant en islam. Les bidats, je ne parle pas des bidats dans les adorations, des bidats dans la aqida. Combien il y a de bidats, combien il y a de sectes, combien il y a de fausses croyances. Donc, Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, commençons d'abord par la purification. C'est pour ça qu'il a commencé à épurer lui. Hein. Il est allé directement aux six livres. Bukhari muslim, Bukhari bien sûr. Il n'a rien dit qu'il y avait quelque chose sur Bukhari. Muslim, 4 ou 5 hadiths da'if dans muslim. Ensuite, Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, Nasa'i. Il a enlevé déjà tous les hadiths qui ne sont pas vrais. Qui sont, ont été, rentrés dans ces livres alors que ce ne sont pas des vrais hadiths. Et il a commencé à purifier. Il a fait ce qu'on appelle la purification. Donc, tu purifies, ensuite quoi ? Ensuite, tu t'éduques sur la chose que tu as purifiée. Tu t'éduques avec le cœur. Maintenant, si tu ne purifies pas, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, Dani, tu es mélangé. Là, tu es mélangé. Ton cœur est mélangé. Ta ibada est mélangée. Tes adorations sont mélangées. Il y a 10 choses vraies dans ta salat et 50 choses qui ne sont pas vraies. Dans ta aqida, il y a 100 choses qui sont vraies, 1000 qui ne sont pas vraies. Dans ton hajj, 5 choses sont justes, 10 choses sont fausses. C'est comme ça, dans ton siyam, dans ton kadr, dans toutes les choses, il faut purifier. Tirer le vrai, ensuite quand je tire le vrai, là, j'ai la crème, alhamdoulilah, j'ai la crème devant moi. Qu'est-ce que je fais ? Je parle seulement l'islam, je pense que je m'éduque, yani, j'applique sur moi, j'applique ce que je viens de purifier. C'est comme je purifie moi, je ne sais pas quoi, pour avoir la crème. La crème, elle dit qu'est-ce que je vais faire ? Je vais la jeter, je vais la manger, je me suis fatigué pour avoir cette crème. Maintenant, la même chose, si on ne purifie pas, on ne fait pas tasfiya, c'est pour ça que regardez par exemple les frères, je dis les frères musulmans. Regardez. Ils ne s'intéressent jamais à tasfiya, tarbiya. Ils s'intéressent par contre à quoi ? Ah, ils s'intéressent à grouper au maximum. Non, grouper au maximum. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des millions. Malayin, moumaliana, masha'Allah. On va dans un stade et je vous fais un discours, vous êtes des millions. Masha'Allah, vous êtes des millions. Cheikh Al-Albani, on l'a invité une fois dans un endroit en Russie ou là je ne sais pas où. À la dernière minute, on lui a téléphoné, on lui a dit, il y a je crois 1 million ou là 1 500 000 ou là je ne sais pas comment qui vous attendent. Il a dit non, il a dit au contraire, maintenant que tu m'as dit qu'il y a tout ce monde qui attend, jamais je ne viendrai. Il a annulé son départ là-bas. Les frères musulmans aiment le monde, ils sont nombreux, mais ça ne les intéresse pas, la vraie Aqida. Et nous, à Sunna ou Jama'a, on dit le contraire. Nous, qu'on soit seulement 10 ou 20, mais on soit sur le vrai, la vraie Aqida, le vrai Minhaj, c'est avec nous que Allah subhanahu wa ta'ala va yani, faire triompher son dîn. C'est pas avec yani, le nombre, le grand nombre. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit dans un hadith sahih que toutes les nations allaient yani, nous faire des problèmes, etc., ils leur ont dit Awa min khidlatin yawma idin ya Rasulullah. Pourquoi ya Rasulullah, les nations vont faire ceci sur nous, on va faire yani, notre nombre sera peu. Il a dit non, on serait nombreux. Lakin, rota ka rota asé. Mais comme l'écume, hein, l'écume de la mer. Vous voyez la vague quand elle vient sur le bord, elle frappe le bord. Ensuite, là, l'écume, qu'est-ce qu'elle reste? L'écume reste sur le rocher, c'est des bulles. C'est comme ça. Vous trouvez une personne, vous dites, Masha'Allah, celui-là, Masha'Allah, il est. Alors qu'il est, il n'est rien. C'est un, comment on dit, on a un nebou là. Tu frappes avec une petite épine, il éclate. Il éclate. Pourquoi? Il n'a pas la vraie aqida. Le frère musulman n'aime pas la aqida. Il te dit, la aqida nous disperse. On ne parle pas de aqida. On parle de politique. Parlons de politique et de parlement. Et on va voir, on va essayer d'avoir des ministres dans le gouvernement. On va essayer d'avoir le plus grand nombre de parlementaires, le plus grand nombre de maires. Et ensuite, on va changer. Quand on aura ces postes dans nos mains, on va changer. On va changer quoi? Ils vont prendre les plus belles villas à eux et à leur famille. Voilà comment ils vont changer. Comme a dit Cheikh Al-Albani, il a dit, ils sont rentrés au Parlement pour changer, et voilà qu'ils ont changé. Naam, wallahi, wallahi, wallahi, on les connaissait avant de rentrer au Parlement, wallahi, avec le khamis et la barbe et la chose sur la tête. Ils faisaient même la ruqya aux gens. Ils faisaient même la ruqya, mashallah, aux gens. Ils sont rentrés, la barbe très très très fine, le costume à la place du khamis, la cravate, et yani, l'islam c'est tout juste la salat. Et il te dit, on va rentrer pour changer. Toi tu es rentré, tu as changé. Tu es rentré au parlement, tu as changé. Comment veux-tu que tu changes toi les autres? Ensuite, nous on change. En nous changeant nous-mêmes. Nous, on change en commençant par nous-mêmes. Je commence par moi. J'apprends mon dîn. J'épure, comme j'ai dit. Je cherche le pur, le vrai. Ensuite, je m'éduque sur cette chose. Ensuite, je dis à ma femme, je dis à mes enfants, à mes voisins. Et comme ça, ça commence à marcher. On commence pas par le haut. On commence par le bas. Celui qui commence par le haut, par le gouvernement, n'est pas un salafi. Celui qui dit, moi, je commence par le gouverneur, et je lui fais la guerre ou la jlandère. Celui-là, c'est pas un salafi. Le salafi, il fait comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il commence par en bas. Il commence par un dit, Ashiratek al-Aqrabin. Il commence par en bas. Il commence pas par en haut. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a commencé avec deux ou trois personnes. Il a commencé par en bas, à leur apprendre quoi, la aqida. Quiconque, ça c'est une base, c'est une règle. Quiconque dit, pour qu'il y ait changement, tous on veut le changement, tous. Mais comment qu'on va faire pour faire changer les choses? Quiconque dit, pour faire changer les choses, on commence par le gouvernement et la politique, et le parlement et les maires, celui-là est loin de la salafia, comme l'Est est loin de l'Ouest, et comme le ciel est loin de la terre. Mais s'il dit, on commence par épurer et par tarbiya, et on commence par la aqida, on lui dit ça, toi tu es sur le chemin des prophètes. Pas du prophète, alayhi sallam. Le chemin des prophètes. Tous les prophètes ont commencé par la aqida. Tous les prophètes. Il n'y a pas un prophète qui est venu dire aux gens, enlevant le gouverneur. Tous ils ont dit, enlevant le shirk. C'est pour ça que les frères musulmans, ils vont te dire, vous parlez du shirk, des tombes, shirk al-qubur, et vous ne parlez pas de shirk al-qusur. Et vous ne parlez pas du shirk des palais. Les palais où il y a les gouverneurs. Vous ne parlez pas du shirk des palais des gouverneurs. Vous parlez du shirk de qui? De ceux qui vont à la tombe. Naam. On leur dit Naam. Celui qui fait le shirk de la tombe, il peut rentrer à Jahannam et ne plus sortir et devenir kafir. Tandis que le Khosor, le gouverneur qui a pris le palais, qui m'a pris mon argent, qui m'a enlevé mes terres, qui boit de l'alcool et qui fait la zina, tout ça, ce n'est pas du kofr. Il y a une grande différence. Naam, c'est pas du kofr. Demain, Allah subhanahu wa ta'ala, yu'aqibuhu ou yaghfir lahu. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. C'est pour ça que je vous dis, je l'ai dit une fois, et je le redis encore, ma'alish, c'est pour dhakir inna dhikra tinfa'u al-mu'minin. Sahoula wa la quwwata illa billah. Il y avait un alam qui faisait beaucoup d'aqida aux gens. Toujours. Un an, deux ans, trois ans. Une fois, quelqu'un lui a dit, ya shir, Allah, on a choué un peu, on est un peu fatigué de cette aqida. Si on changeait un peu, aqida, changeons un peu. Le shir a dit, yani, khlas, l'aqida, mashallah, yani, vous avez compris. Ah, ils ont dit, khlas, on a compris. Ah, ça nous suffit. Deux ou trois ans, c'est même beaucoup. Mashallah. Prochain cours, il a fait fiqh, a commencé par le wudu, etc. Deuxième cours, troisième cours, ensuite un jour, il leur a dit, tout en faisant le fiqh, il leur a dit, vous savez ce qui s'est passé hier ici dans cette ville? Ils ont dit, on ne sait pas. Ils ont dit, subhanallah, deux choses graves et vous ne savez pas, lui donner des... comment il n'y a pas de son? Moi, je trouve que c'est normal ici chez moi. Non, je croyais que j'étais déconnecté, mais ça, non. Y a le son, là, il n'y a pas, Abou Abdelaziz. Pour Salafi, y a le son, là, il n'y a pas. Non. Ça y est. Alors, il a dit, hier, il s'est passé deux grandes choses graves. Ils ont dit quoi? Il a dit du côté est de la ville, ils ont trouvé quelqu'un autour de, qui était en train de tourner autour de la tombe et qui disait aux morts, Yachir, donne-moi des biens, disait Yachir, astaghfirullah, j'ai dit ici, Yachir. Il disait aux morts, aide-moi, donne-moi des biens, j'ai pas d'enfants, etc. Il faisait ce qu'on appelle le shirk al-akbar, bien sûr. Il faisait le shirk al-akbar. Quand on demande à quelqu'un de nous donner quelque chose que seul Allah Ta'ala peut donner, on a fait shirk al-akbar. Ça, si on le demande à quelqu'un qui est vivant. Qu'en est-il maintenant si on demande à quelqu'un qui est mort? La hawla wa la quwwata illa billah. Khlas, il est mort. Si tu demandes à un vivant, c'est interdit. Alors, qu'en est-il maintenant? Quelqu'un va demander à un mort et lui dit, donne-moi des choses que seul Allah Azzawajal peut donner. Comme les enfants, comme le bien, comme la pluie, etc. Seul Allah subhanahu wa ta'ala peut donner ces choses. Mouim. Quand il leur a dit comme ça, quand dit les élèves, ils ont dit, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu al-musta'an. Allahu al-musta'an. Et la deuxième chose qui s'est passée, il leur a dit, et la deuxième chose, c'est du côté de l'ouest, quelqu'un a fait la zina avec sa mère. Quelqu'un a fait la zina avec sa mère. Alors quand il a dit ça, tous ont éclaté. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Celui-là, il mérite yani, qu'on lui coupe sa tête. Celui-là, c'est un kada. Celui-là, Allahu Akbar. Ils ont commencé yani, avec le Hamas. Ils n'ont pas voulu se taire. Il leur a dit, cheikh, une seconde, barakallahu fikum, asseyez-vous, jazakum Allah, asseyez-vous, barakallahu fikum. Il les a fait taire. Ensuite, il a dit, écoutez mes élèves et mes enfants, écoutez bien. Quand je vous ai parlé de quelqu'un qui a fait le grand shirk, qui meurt, si jamais il meurt, il va rentrer Jahannam, la fournaise, il ne va plus en ressortir. Vous avez dit seulement Allahu Akbar, Allahu al-Musta'an, Allahu al-Musta'an, et vous vous êtes sûr, là. Et quand je vous ai parlé de quelqu'un qui n'a fait qu'un grand péché, il n'a pas fait le kofr ni le shirk, il a fait la zina avec sa mère. Faire la zina avec sa mère, c'est un grand péché. Mais il n'est pas devenu kafir. Ça veut dire que malgré tout, quand il va, demain, Allah Azza wa Jal va le rentrer en enfer, il va le faire sortir et le rentrer au paradis, parce qu'il est toujours musulman. Alors vous avez, yani, vous n'êtes pas tu, yani, une demi-heure. Il leur a dit, alors mes élèves, mes enfants, vous êtes encore loin de la aqida. Si vous aviez compris la aqida, quand je vous avais dit, quelqu'un a tourné autour de la tombe, yani, vous auriez eu mal au cœur. Et vous auriez dit plus que ce que vous avez dit, que quand je vous ai dit quelqu'un a fait la zina avec sa mère. Non. Quand quelqu'un ne connaît pas la aqida, il croit que faire la zina avec sa mère, c'est kofr. Oh, extraordinaire. Si celui qui fait tourner autour de la tombe, c'est pas grave. C'est comme ça, les frères musulmans. Ils se disent tourner autour de la grave. C'est pas grave, Allah, il va tourner autour de la tombe. Allah yahdih. Allah yahdih, Allah al-musta'an. Alors que celui-là, s'il meurt, et il savait ce qu'il faisait, c'est un kafir qui va plus sortir de Jahannam. Non. Frère musulman, il te dira, c'est pas grave. Allah yahdih. Tout le monde fait cela. Mais quand tu lui dis un péché seulement, zina ou l'un, tu dis c'est très grave. La hawla wa la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. Allah subhanahu wa ta'ala yu'allimana dinana. Na'am. Maintenant, on avait parlé de tahrif. On avait tout ça, c'était le tahrif. Et la prochaine fois, inshallah ta'ala, on va parler de ta'til. Et ensuite, inshallah ta'ala, on va parler de tekif. Ensuite, inshallah ta'ala, on va parler de tekif. أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نلتقي ان شاء الله بعد 10 دقائق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين كومون صلى الله تعالى par la première question تفضل السؤال الاول une sœur dit جزاك الله خير اخانا نعم جزاك الله خير السلام عليكم ان شاء الله ما زال نتلاقي الله سبحانه وتعالى ان يزيد لك في العلم امين يا رب العالمين اسكو رحمن اي تان اتريبي دي سونس اسكو الرحيم اي تان اتريبي دو لاكت نعم لا ديفيرونس انت رحمن اي رحيم سي كو رحمن سو الله سبحانه وتعالى اي رحمن ابن القيم مي اوسي ابن القيم الله يرحمه on dit dépend de la volonté. Il n'y a pas de sang. Abou Abdelaziz dit il n'y a pas de sang. Est-ce qu'il y a le sang ou là, il n'y a pas? Et Rahman, c'est quelque chose, c'est un attribut de l'entité. Naam. Seul Allah subhanahu wa ta'ala est Rahman. C'est pourquoi, on peut appeler quelqu'un Rahim. On lui dit Rahim. On a un enfant, on l'appelle Rahim. On ne peut pas l'appeler Rahman, jamais. Jamais on peut appeler quelqu'un Rahman. C'est pour ça que, regardez, écoutez bien, c'est pour ça que le faux prophète Moussa Ilima, le faux prophète Moussa Ilima, le Kadhab, Moussa Ilima, il se faisait appeler quoi? Rahman al-Yamama. Rahman qui? Al-Yamama. Al-Yamama, c'est une ville. À l'endroit où il était, hein, je crois qu'on est trop vite. C'est une ville là-bas, qui s'appelle Yamama. Il dit, c'est moi le Rahman de la Yamama. Et puisque le Rahman, ça ne peut être que à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala l'a démonté. Il lui a dit, tu es un menteur. Sauf moi, je peux être Rahman. Et il lui a collé l'attribut de quoi? De Kedab. Depuis ce jour, Moussa Ilima, il ne s'appelle que Moussa Ilima Kedab. Il ne s'appelle pas Moussa Ilima. Moussaïlima al-Kadhab. Pourquoi? Il a voulu prendre quelque chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut l'apprendre. Alors je lui ai dit, menteur, tu es Moussaïlima al-Kadhab. Fadal, inshallah, prochain soir. Ibn Hazm, rahimahullah, a dit que Ad-Dahr. Naam. A dit que Ad-Dahr est d'Allah. Pouvez-vous nous donner quelques erreurs de savants comme ça? Quand on lit leur livre, on pourra différencier le vrai du faux. Allah vous préserve. Amin. Naam. Ibn Hazm, alayhi rahmatullah, c'était un géant. C'est un géant dans les sciences islamiques. Un géant. Mais malgré cela, malgré le génie hada, il n'est pas de Al-Sunnah ou Al-Jama'ah. Subhanallah al-Azim. Naam. C'est un géant dans les hadiths. C'est un géant dans le fiqh. C'est un géant dans Usul fiqh. Ibn Hazm al-Rahmou, c'était un géant dans ses sciences. Mais c'était un jahmite dans la aqida. Ça, c'est grave. C'est un jahmite dans la aqida. Ul'iyadu billah. Mais dans l'histoire, dans la science, dans le fiqh, dans le hadith, yani, qui peut l'égaler? C'est pour ça que les ulama disent, en ce qui concerne la aqida d'Ibn Hazm, quand il parle de aqida, il faut éviter. Et quand il parle de, par exemple, l'histoire islamique, qu'est-ce qui s'est passé entre les sahaba, ou là il parle du tarikh islamique, ou bien il parle des hadiths, ou bien il parle des usul fiqh, ou là, Yani, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut l'égaler. Donc, il faut connaître, comme a dit Ahuna, il faut connaître les erreurs des savants pour essayer de les éviter. Comme par exemple, les erreurs par exemple de Ibn Hajj al-Asqalani, Allah yirhamo. Il avait des erreurs dans la Aqida, comme les erreurs de Nawawi, dans la Aqida, comme les erreurs de Qurtubi, dans la Aqida, comme les erreurs de Ibn al-Arabi, dans la Aqida, et les erreurs, ont, d'une façon générale, des Ash'arites dans la Aqida. C'est pour ça que, allez, quand on lit quelque chose, c'est pas directement on va acheter un livre, on commence à lire. Mais d'abord, on demande aux ulama, je voudrais acheter tel livre. Est-ce qu'il il est bien ou là il n'est pas bien? Tu peux acheter un livre, toi, avec une bonne intention, et voilà, tu te trouves, tu t'es transformé en Mu'tazili. Tu t'es transformé en Chi'i, tu t'es transformé en Ash'ari sans que tu le veuilles. Pour ça, avant d'acheter, il faut toujours demander aux ulama, que me conseillez-vous, que pensez-vous de ce livre? Wallahu subhanahu wa ta'ala, mais nous, attention, une petite remarque qui est très importante, on n'est pas des haddadiyas. Vous savez que ça veut dire haddadi? On dit X, c'est un haddadi. C'est quelqu'un qui s'appelle haddad. Et il est ce quelqu'un, bien sûr, il est yani de nos jours, hein, c'est pas autrefois, de nos jours. C'est pour ça qu'on dit haddadi. Haddadi, il te dit quoi? Il te dit, quiconque a fait une erreur, on brûle son livre. Le haddadi te dit, il faut pas écouter à qui, il faut pas lire les livres de Ibn Hajj al-Asqalani. Il ne faut pas les lire les livres de Qurtubi. Il ne faut pas lire les livres de Ibn Hajj. Il ne faut pas lire les livres de Nawawi. Il ne faut pas lire les livres de Qurtubi. Il ne faut pas. Et comme ça. Pourquoi? Il se dit tout cela ont eu des fautes dans la Aqida. Donc, on ne leur lit pas le livre et on les brûle. Cela, qu'est-ce qu'on leur dit, nous? On leur dit non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Nous, on prend ce qui est juste et on rejette l'autre. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Bashir ibad alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. C'est la bonne nouvelle à mes créatures qui entendent la parole, ils prennent le meilleur. Ça veut dire, ils laissent le bon et ils prennent le meilleur. Ils laissent le bon et bien sûr ils laissent le mauvais, ensuite ils laissent le bon, ensuite ils prennent le meilleur. Donc quand j'ai deux choses, une est bonne et une est meilleure, je prends la meilleure. Donc, le bon et le mauvais, qu'est-ce que j'en fais? Je le laisse de côté. Et je prends le meilleur. Mais je jette pas tout. Je jette pas tout, car si je jette tout, je vais jeter beaucoup de bien et beaucoup de meilleur qui se trouve à l'intérieur de ce que j'ai jeté. C'est ça qu'on dit. On dit X, c'est un haddadi. Pourquoi? Parce que il dit, il n'y a plus de ulama, quiconque fait une faute, c'est pas un alam. Et vous devez sûrement, c'est pas la peine que je vous parle, yani pour, yani, vivifier ou la fitna de nouveau. C'est pour ça que j'aime pas tirer les noms. En Arabie Saoudite, il y a quelqu'un qui est apparu, il est apparu ces temps-ci, quand on lui téléphone d'Algérie. On lui dit X a dit ceci. Il s'est trompé en ceci ou l'a dit cela seulement. Il dit c'est un mubtada, jetez-le. X a dit que c'est un mubtada, jetez-le. Et cette personne a commencé à dire des grands ulama, ce sont des mubtada. Jusqu'à cette personne est arrivée de dire de El Sheikh, yani le grand alim qui est à la place de Ben Bez, il a dit de lui Khabith. Il a dit celui-là c'est un Khabith. La hawla wa la quwwata illa billah. Et tous les autres c'est des Mubtadi'a. Tous les autres, ce sont quoi? Des Mubtadi'a. Alors, cette secte s'appelle Haddadiyya. On dit de lui, de cette personne, mais celui-là c'est un Haddadi. Et ceux qui le suivent, ce sont des Haddadi. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Prochain sou'a, Inch'Allah. Pouvez-vous nous donner la définition de l'aqida et peut-on dire que l'aqida est la colonne vertébrale de notre dîn, c'est-à-dire un des piliers fondamentaux. Barakallahu fik, ya Cheikh. L'aqida, c'est, je vais expliquer dans le premier dars, si vous revenez au blog, dans le premier dars, vous avez dit quoi? C'est dit l'aqida, ça vient du verbe aqada, c'est-à-dire il a noué. Il a noué. Le verbe aqada, tu dis j'ai noué, j'ai fait un nœud. Quand tu dis j'ai fait un nœud, ça veut dire que j'ai noué. Pourquoi? Tu n'écoutes, tu noues quoi? Ce sont des choses, yani, tu vas nouer dans ton cœur que Allah subhanahu wa ta'ala est un, que Allah subhanahu wa ta'ala a les attributs, tel attribut, tu noues dans ton cœur. Qu'il y a un paradis, qu'il y a un enfer, que Muhammad al-Sulam c'est le dernier prophète, qu'on va tous mourir demain, on va rencontrer Allah, qu'il y a le paradis, qu'il y a l'enfer. Tout ça, c'est, ça vient du mot aqida, c'est-à-dire, on noue avec notre cœur. On noue avec notre cœur. C'est pour ça que, on a appelé ça aqida. Donc c'est une croyance ou là, ça s'appelle la croyance, c'est quelque chose où on noue. Naam. C'est quelque chose où on noue. C'est pour ça que les ulama l'ont appelé l'aqida. Est-ce qu'on peut dire que c'est la colonne vertébrale? Naam. Ça peut être la colonne vertébrale du dîn. Naam. Ça peut se dire. Ça veut dire que sans la colonne vertébrale, on ne peut pas y en vivre. Maintenant, si on a la même chose, si on a la aqida qui est toute fausse, ce n'est pas la vraie vie qu'on devait vivre. Naam, ce n'est pas la vraie vie qu'on devait vivre. Fadlan, inshallah, prochain soual. Un chrétien m'a dit que Allah est trois et je veux savoir qui est le Saint-Esprit dans l'islam. Les juifs sont-ils mieux que les jahmites, les habashis, que les rawafid et citer les hadiths d'Aïf de Sahih Muslim? J'ai pas compris ce qu'il veut dire. Un chrétien m'a dit que Allah subhanahu wa ta'ala est trois et je veux savoir qui est le Saint-Esprit dans l'islam. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala est trois dans son dîn à lui, le faux dîn, bien sûr. Dans son faux dîn, le Saint-Esprit lui-même, naam, la Trinité. Des fois ils disent c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite Isa, ensuite c'est Jibril. Des fois ils disent Allah subhanahu wa ta'ala, des fois c'est Allah, c'est lui-même, des fois c'est son fils Isa, des fois c'est Jibril. D'ailleurs eux-mêmes les chrétiens, ils ne sont pas d'accord pour dire ce sont qui exactement les trois de la Trinité. Ce sont qui exactement? Est-ce que Allah c'est Isa ou là c'est Jibril ou là c'est lui-même? Eux-mêmes ils n'ont pas de réponse à cette question. Tellement la hawla wa la quwwata illa billah, ils sont égarés. En islam, alhamdoulilah, tout est clair. Taraktukum ala al-mahajjati al-bayda. Je vous ai laissé sur la forme blanc. C'est blanc, c'est visible. Alhamdoulilah, on n'a pas de problème. On est, alhamdoulilah, le cœur serein, le cœur qui est, alhamdoulilah, mutma'in, sakina fil qalb. Il sait pourquoi il vit, il sait qu'est-ce qui va se passer quand il va mourir. Alhamdoulilah, il est très très calme. Tandis que le chrétien, le juif ou là, il vit une vie très difficile. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas, il y a trop de contradictions dans son cœur, dans son esprit. Les juifs sont-ils mieux que les jahmites, les habashis et que les rawafites? Non, les juifs, bien sûr, ne sont pas mieux, car les juifs, ce sont des koufars. Les jahmites, bien sûr, aussi, ce sont des koufars, mais dans les jahmites, il y a quelqu'un qui peut être jahmite, mais sans qu'il le sache. Sans que, le hujja intakuna qamat alayh. Naam, vous trouvez beaucoup de gens qui, disent ce que disent les jahmites, sans qu'ils soient vraiment jahmites. Mais les chefs, les grands chefs, les grands, ce qu'on appelle savants des jahmites, ceux-là, les ulama ont dit ce sont des koufars. Parce qu'ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de quoi, ni nom, ni attribut. Les mu'tazilites, à la rigueur, disent que Allah subhanahu wa ta'ala a les noms, il n'a pas d'attribut. Et les Asha'ira, à la rigueur, disent Allah subhanahu wa ta'ala a sept attributs. C'est pour ça que les juifs, bien sûr, ce sont des koufars, ce sont des gens maudits, sauf bien sûr s'ils font le repentir et rentrent en islam. Les Habashis, ce sont des gens très graves. C'est une secte égarée qui est très grave. Et c'est une secte, très grave parce que elle a quoi? Elle a un grand rôle. Elle joue son rôle. Le juif, tu peux pas avoir peur de lui. Tu le vois, il est devant toi avec son chapeau à lèvres, tu le connais, c'est un juif. C'est impossible qu'il te fasse la da'wa pour que tu rentres dans son dîn. Mais le Habashi, il te parle du dîn. Il se dit, qala Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Qala al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, et comme ça. Donc, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'égarer. Il va te dire, Allah subhanahu wa ta'ala ne descend pas, ne rit pas, n'est pas sur les cieux, n'a pas de main, n'a pas ceci, n'a pas cela. Il va faire comme les Asha'ira et les Jahmites, en parlant de l'islam, au nom de l'islam. Il va te dire, toi tu te trompes, et Ben Baz et Ben Lofren, tous les grands ulama, ce sont des kuffars. Pourquoi? Parce qu'ils font ressembler Allah subhanahu wa ta'ala aux créatures. Mais, par malheur, il y en a beaucoup en France. Les Ahbash, il y en a beaucoup, beaucoup en France. C'est pour ça que faut bien faire attention quand on vient vous demander la main aux sœurs. Il faut bien faire attention. Il est peut-être quelqu'un des Ahbash et tu ne sais pas. Tu crois que c'est quelqu'un, mashallah, de Al-Sunnah ou Jama'a. C'est pour ça que j'ai dit toujours qu'il fallait faire l'enquête et envoyer, demander à la mosquée où il prie. Où prie cette personne? Et tu envoies ton père ou là ton frère ou là ton voisin ou là, qui va à la mosquée, il demande qui c'est cette personne, est-ce que vous connaissez qui est salafi, qu'est-ce qu'il dit des grands ulama de Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, qu'est-ce qu'il dit de cela, comme ça tu sauras à l'aql dans quelle secte il est. Et les rawafid, c'est pas la peine d'en parler, les rawafid, ils n'ont ni din, ni dunya, comme a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Le rafidi, c'est un garçon de 5 ans, tu lui dis voilà le dogme, la aqida des rawafid, il te dit non, j'accepte pas. Dis à quelqu'un qui a 5 ans, qui a juste commencé à comprendre. Dis-lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une femme qui a fait la zina. Il te dit non, je peux pas, ça rentre pas dans ma tête. Non, la femme du prophète ne fait pas la zina, non, c'est pas vrai. Dis-lui que par exemple, il y a quelqu'un qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est trompé et qu'il n'a pas réussi dans la da'wah. Il te dit, a'udhu billah. Si, il y a quelqu'un en islam qui peut dire celui-là, tu lui dis oui, comme ça disent les rawafid. Ils disent le prophète s'est trompé, il s'est trompé dans la da'wah, il n'a pas réussi. Naam. Et ils disent que Ali radiallahu ta'ala anhu, c'est lui, yani, qui, le jour du jugement dernier, c'est lui qui dit, toi tu vas au paradis, toi tu vas en enfer, c'est lui qui commande. Et des bida, yani, un petit enfant ne l'accepte pas. On viendra, inchallah, quand on parlera des rawafid avec leur aqida, elle est plus détaillée. Leur aqida, plus détaillée. J'avais dit que dans Sahih Muslim, il y avait des hadiths, 3 ou 4 ou 5, qui sont dans le hukm du chèvre. Chèvre, il a khalafa seqa, men huwa autar minho. C'est-à-dire que le rapporteur, il cite un hadith, et le rapporteur lui-même, il est seqa, il est confiant, comme musulman. Confiant. Mais il a contredit, quand on l'a mis dans son livre, un hadith que l'imam Bukhari a rapporté. Et le Bukhari, c'est le deuxième livre après le Coran. C'est le deuxième livre qui sont de véracité après le Coran. Si je trouve un hadith dans le Bukhari qui dit une chose, et dans le Muslim qui dit autre chose, le contraire, je prends celui de le Bukhari. Comme ça on dit les ulama. Ils ont donné comme exemple le hadith du Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَا شِمَالُهُ مَا أَنْفَقَتْ يَمِينُهُ. Il a dit à quelqu'un qui a fait la sadaqa, il a fait l'aumône, il a tellement caché que sa main gauche n'a pas su ce qu'a donné sa main droite. C'est le Bukhari qui a dit ça. Muslim a dit le contraire. Il a dit à quelqu'un qui a fait l'aumône, il a caché au point où sa main droite n'a pas su ce qu'a donné sa main gauche. Les ulama ont dit, donc c'est un hadith chèz. En fait, c'est un hadith sahih, mais comme il a contredit un plus vrai que lui dans le Bukhari, donc disons que ce hadith, il est chèz. Chèz, ça veut dire qu'il devient faible. Pourquoi? Parce qu'il a contredit un plus vrai que lui. En fait, il était vrai, mais comme il a contredit plus vrai, c'est pas possible. Et ils ont dit la même chose dans Salat al-Istisqa, où Muslim a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait trois recours dans la même raka. Dans le Bukhari, il n'y dit que deux recours, pas trois, deux seulement. Et l'autre hadith où il est question de la création des cieux et de la terre. Dans le Bukhari et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a créé le monde en 6 jours. Dans le Muslim, en 7. Parce qu'il a ajouté un autre jour. Il a ajouté un autre jour. Ça a donné 7. Et quand aussi dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que 70 000 iront au paradis sans yani hisab, il a dit entre autres ce sont qui? Il a dit هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. Il a dit لا يسترقون, ils ne demandent pas la ruqya, ils ne demandent pas, il a le tawakkul en son cœur, il n'a pas besoin de demander à quelqu'un, lui dit fais-moi la ruqya. Comme ça il a dit لا يسترقون. Muslim, qu'est-ce qu'il a dit? Il a écrit La yirqun. Au lieu de dire la yirqun, il a dit la yirqun. Ça a changé le sens. La yirqun, il ne demande pas la ruqya. Bukhari, Muslim, il a dit la yirqun. La yirqun, ça veut dire ils ne font pas la ruqya. Alors que faire la ruqya, ce n'est pas interdit. Tu peux faire la ruqya à quelqu'un. Mais la faute, c'est à celui qui l'a demandé, c'est makruh. Mais toi, quand tu fais, toi, tu es un faiseur de bien, mashallah. Quand tu appelles, tu fais la ruqya à quelqu'un. Tu es un faiseur de bien, tu as ajr. Mais l'autre qui t'a demandé, et à laisser Allah subhanahu wa ta'ala, en ce sens, c'est quelque chose de makruh pour lui. والله سبحانه وتعالى أعلم. تفضل إن شاء الله. prochain سؤال. Si je ressens une gêne dans mon cœur vis-à-vis d'un attribut d'Allah, je dois me remettre en question ma compréhension de cet attribut. Na'am. Na'am. Tu dois te dire que cet attribut ne ressemble à ce qui vient de me passer dans ma tête que par le nom. Quand tu dis, Allah subhanahu wa ta'ala a une main, pourquoi tu as une gêne? Parce que tu crois que la main c'est comme notre main. Tu dis, comment Allah subhanahu a une main? Subhanallah, c'est pas possible. Mais si tu disais une main, mais je ne sais pas comment qu'elle est cette main, et je suis sûr, et archi sûr qu'elle ne ressemble pas à ma main, car si je dis elle ressemble à ma main, je deviens kafir. Donc il a une main seulement, je dis comme ça seulement. J'ai donné toujours un exemple, j'ai dit, regarde, quand tu dis main, le mot main, il change de sens d'après où tu vas le mettre, d'après le contexte. Tu dis main d'un homme, voilà, là, elle est en ta tête, tu as une idée. Tu dis main d'une femme, déjà ça change. La main de la femme, elle est plus douce, elle est plus mince, elle est plus... Déjà ça change. Maintenant tu dis main de gorille. Voilà, ça a tout changé. C'était un homme, maintenant c'est un gorille, c'est pas la même main. Elle est velue, elle est là. Ensuite tu dis main du couffin. Subhanallah, le couffin, il a deux mains. Mais c'est pas des mains comme nous, ni doigts, ni rien. Subhanallah. Et comme ça, tu dis la main de, je ne sais pas, la marmite. La marmite a deux mains pour la prendre. Subhanallah, ça a changé. Maintenant, main d'Allah. Ah, je ne sais pas comment qu'elle est faite. Je ne sais pas. La même chose quand tu dis, par exemple, ra's. Tu dis la tête. La tête de l'homme, la tête du chien, la tête de la fourmi, la tête du chacal. Ça change, ça change, ça commence à changer. Quand, surtout en arabe, parce qu'en arabe on dit ra's, on dit ra's. Regardez quand on dit ra's el-jabal, ra's el-jabal. Oh, la tête de la montagne, la tête de la montagne c'est le sommet, donc c'est devenu un sommet. Ce n'est plus une tête avec les cheveux et les yeux. Non. Ensuite tu dis ra's el-mal, ra's el-mal. Ra's el-mal, c'est l'argent, yani quand on l'a dit déjà une fois, c'est... Quand on a de l'argent, hein, on fait capital. Ra's el-mal. Pourtant, c'est le mot ra's. Tu dis ra's el-ibra. Ra's el-ibra. La tête de l'aiguille. Tu parles du petit trou, hein, l'encens, là, comment il s'appelle. Nam, du trou. Et tu dis ra's. Ra's el-fitna. Tu dis ra's el-fitna, c'est l'ahbash. Ra's el-fitna, c'est l'ahbash. Tu dis ra's el-fitna, c'est ce type. C'est ce bonhomme qui est ra's el-fitna. La tête de la fitna, ça veut dire c'est lui le principal instigateur. Chose, c'est devenu ras, c'est tout autre chose. Et quand tu dis aïn, quand tu dis aïn, le mot aïn c'est quoi? D'après où tu vas le mettre, d'après le contexte. Tu me dis aïn, Mohammed. Ah, j'ai compris, l'œil de Mohammed. Tu me dis, arseltu fulanan ka aïn, j'ai envoyé X comme œil. Œil, ça veut dire comme espion. En arabe on dit Fulan Aïn. Fulan Aïn dit Fulan. Fulan Aïn, ça veut dire c'est un espion. Regardez, le mot Aïn, quand je dis à Mohammed, c'est l'œil. Quand je dis j'ai envoyé un œil, ça veut dire j'ai envoyé un espion. Donc, Shahid Aïn. Shahid Aïn, quelqu'un qui a été présent au témoin. Donc, ça change. La même chose, quand tu dis main, là, c'est la main de qui? Ma main, je la comprends, main de X, je comprends, main du couffin, je comprends, main d'Allah, Allahu alam. Mais comme le couffin a une main, comme moi j'ai une main, Allah subhanahu a une main, a deux mains, et qui ne ressemble à rien. Naam. Donc, quiconque sent une gêne dans son cœur, il faut qu'il enlève cette gêne, et qu'il dise, Amantu billahi wa bi rasulihi. Amantu billahi wa bi rasulihi. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus beau. C'est le plus beau, et ses attributs sont les plus beaux, et ses noms sont les plus beaux, et inshallah ta'ala, yom al-qiyamah, je comprendrai ce que ça veut dire ces choses-là. C'est un livre, leur comment. Fadla, inshallah, prochain sou'ab. Comment répondre aux égarés que Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala, anhu, a fait du tafwir. Quand il a parlé de l'agent d'Allah en disant que dans le verset, c'est yom al-qiyamah, j'ai pas vu ça. Comment répondre aux égards que Nabes a fait du tafwir quand il a parlé de la jambe d'Allah en disant que le verset c'est Yom al-Qiyama. Quand quelqu'un dit une chose, Et dans un autre livre, ou là, dans une autre fois, il va dire autre chose. Pourquoi les gens prennent seulement de la première chose, ils ne prennent pas de la deuxième? Pourquoi? Quand quelqu'un dit une chose aujourd'hui, et demain je vais dire une autre chose, là, vous trouvez que j'ai écrit deux livres. Dans un livre, j'ai dit cette chose, dans un autre livre, j'ai dit l'autre. Pourquoi qu'ils prennent seulement de la chose que j'ai dite dans le premier livre? Ils ne prennent pas de ce que j'ai dit dans la deuxième livre. C'est comme ça que font le bida. Comment tu sais quelqu'un est de la bida? Il ne dit que les choses qui marchent avec sa aqida. Il marche avec ce dont il est convaincu. S'il trouve quelque chose dans un livre qui est contre ce qu'il est convaincu, il te la cache. Nos jamaas disent ce qui est aussi dans le hadith sahih que quoi? Que mawdi' al-qadamayn yawma yukshafu 'an saq. Les ulama ont dit yawma yukshafu 'an saq, dit ce verset, on ne prend pas de lui la jambe d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne prend pas parce qu'il n'a pas dit saq Allah. Saq Allah. Il n'a pas dit le tibia d'Allah. Il a dit le tibia, c'est tout. C'est pour ça que nous on prend des choses qui sont venues en plus et qui ont affirmé que Allah subhanahu wa ta'ala avait un pied, comme le hadith où il est dit que Allah subhanahu wa ta'ala mettra son pied sur Jahannam. Quand il commencera à jeter des personnes, etc. Ensuite, il lui dit, tu en veux encore? Elle dit, j'en veux encore. Elle min mazid. Ensuite, là, tous les kafirs sont dans Jahannam. Qu'est-ce qu'il va lui jeter? Il va mettre son pied dessus pour qu'elle rétrécisse, pour qu'elle devienne, yani, petite, pour qu'elle, yani, yenzaoui ba'doua ila ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Lakin, ne, je donnerai un conseil à mon frère. Ne perds pas beaucoup de temps avec les djidel. Comment répondre aux égarés? Ne perds pas beaucoup de temps. Essaye d'apprendre au maximum. Car ils vont te gêner. Ils vont te, yani, dissuader. Ils vont te pousser à passer ton temps à chercher comment qu'il faut leur répondre. Et tu yani, beaucoup de choses, tu les apprendras pas. Ma'ad asr. Ça donne la prochaine fois. Je demande. J'aimerais avoir des précisions. Que disent des ahbash qui disent que là existe sans endroit et qui expliquent que son trône est expression de sa puissance? Comment répondre à une sœur qui a dit ça, Barclofico? Une sœur qui a dit ça, tu lui fais des doigts. Une sœur qui a dit cela, tu lui dis, je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, qui t'ouvre ton cœur, pour que tu vois la vérité. Tu lui dis, ma sœur, tu es, pardon, mais tu es dans le total égarement, parce que tu es très très loin de la vérité. Tu lui dis, Inch'Allah, je te ferai des doigts. Et je demanderai aux gens dans la mosquée de te faire les doigts sur tout le vendredi pour que, inchallah ta'ala, tu reviennes vers le droit chemin. Pourquoi? Tu lui dis ce que tu dis toi, que c'est la puissance et que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de trône ou là n'est pas sur ce trône ou là. Est-ce que tu es plus savant de toi que les sahaba et que les tabi'in? Est-ce que tu es plus savant que? Si elle dit je suis plus savant que, khlas, yani, c'est pas la fin d'en parler. Si elle dit non, on lui dit alors pourquoi tu ne suis pas les sahaba et les tabi'in? Pourquoi tu voudrais comprendre ton dîn comme tu le veux toi? Pourquoi tu voudrais comprendre ton dîn comme tu le veux toi alors que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, seul lui, se connaît, et ensuite qui? Il a dit, et le malaïka, il a dit, wa ulul ilm, qa'iman bil qist. Naam, ce sont les ulama qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala avec yani, ses noms et ses attributs. Pourquoi toi, tu essayes de, yani, tu dévies de la route et tu voudrais yani, apprendre toute seule. C'est pour ça qu'il faut lui faire beaucoup de dua. Naam, pourquoi? Parce que elle est dans l'égarement, en égarement total. Naam, elle est dans l'égarement total pour que, inshallah ta'ala, elle voit le chemin. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, shahid Allahu. C'est Allah qui est témoin qu'il n'est de divinité qui mérite l'adoration, sauf Allah. Ensuite, il a dit, « Wal malaika » et les anges, « Wa ulul ilm » Ce sont les gens de la science qui connaissent cela. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, il faut bien, beaucoup, prendre garde des salles. Vous ne connaissez pas la salle, ne rentrez pas. Ne rentrez pas dans une salle que vous ne connaissez pas, car quand on n'a pas assez d'ilm, on va entendre quelqu'un parler comme ça de hadith versé, on va croire qu'il a du ilm. Automatiquement, on dit subhanallah. Il parle seulement de versets de hadith. On dit subhanallah, comment celui-là, yani, il tire sa tête. C'est sûr qu'il sait ce qu'il dit. Alors que, il dit des choses fausses et égarées. C'est un peu comme j'ai toujours donné cet exemple aux frères, je leur dis, quelqu'un, par exemple, qui ne connaît pas l'arabe, il ne peut pas dire, quand il entend quelqu'un parler en arabe, celui-là, il est mashallah en arabe. C'est comme ça dans toutes les langues et dans toutes les choses. Quelqu'un qui ne connaît pas bien le français, il ne peut pas dire celui-là, il parle français, mashallah. Comment tu sais? Il faut d'abord que toi, tu sois assez fort pour que tu saches si vraiment il se trompe ou il ne se trompe pas. Toi, par exemple, tu n'as jamais, par exemple, étudié, par exemple, le subjonctif. Par exemple, tu entends quelqu'un dire, il faut que je va à la maison. Tu dis, mashallah, il parle français. Donc, c'est faux, il faut qu'il dise, il faut que j'aille à la maison, c'est pas il faut que je va. Il faut que je parte, c'est pas il faut que je parte. Il faut que je te dise, c'est pas il faut que je dis. Il faut que j'ai avec A, I, E. Et comme ça. Quelqu'un qui ne sait pas le français, il va entendre n'importe qui parler un peu en français, il va dire celui-là, il est mashallah. C'est la même chose quand tu rentres dans une salle, tu entends quelqu'un parler dans le din, ça ne veut pas dire qu'il connaît le din. Naam, il faut que ce qu'il dit, tu le mettes dans une cassette et tu l'envoies à un alim. Ce alim-là, tu diras celui-là, il pense qu'il dit est vrai, ou là il est en train de dire n'importe quoi, il est en train de dire des bidas et des égarements. Moi je suis très très malheureux quand je sais qu'il y a des sœurs, surtout des sœurs, même certains frères qui rentrent dans des salles de ahbash et des salles de takfiriyin, ça veut dire quoi? Ou billah, ça veut dire ils ont déjà jeté un pied dans le jahannam. Ils attendent seulement qu'ils meurent pour jeter le deuxième. Pourquoi? Parce qu'ils s'égarent et, bien sûr, le plus grand supplice sera l'égareur. Naam, celui qui les a égarés. Au nom de l'islam. Naam, au nom de l'islam, ils s'égarent. Au nom de l'islam, il te dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas dans les cieux. Il ne s'est pas établi sur son trône. Il n'a pas de main. Il ne descend pas. Il ne rit pas. Il n'a pas de yeux. Il n'a pas de jambes. Et ceci et cela. Sinon, tu l'as fait ressembler à des créatures. Naam, tu l'as fait ressembler. Tu dis Allah a deux mains. Donc, il est comme nous. On a des mains. La hawla wa la quwwata illa billah. On lui dit très, très, très simplement. S'il n'en avait pas, pourquoi a-t-il dit ça dans le Coran et dans la Sunna? Il va me dire ça a un autre sens. Si ça avait un autre sens, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous égarer dans le Coran? Moi, quand je lis le Coran, ça a un autre sens. Moi, je comprends le sens apparent, je ne comprends pas l'autre sens. Donc, je suis égaré si je ne comprends pas. Ça, donc, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, astaghfirullah, a voulu nous égarer dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a égarés, nous a pas montré le vrai sens. On va dire comme les rawafid, tu t'es trompé à Rasulullah, tu ne nous as pas montré le vrai chemin. Comme disent les rawafid, la hawla wa la quwwata. Illa billah al-ali al-azim. Mais nous on dit, Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu dis toi, si on dit deux mains, ça veut dire qu'il a deux mains comme les autres, on va te dire, on va te poser une question très simple. Allah subhanahu wa ta'ala a une vie, il est vivant ou là il n'a pas? Si tu me dis Allah subhanahu wa ta'ala est mort, je te dis kafir. Tu dis Allah est mort. Kafir. Si tu dis non, Certes, il a une vie. Je te dis, attends. Attends, tu as dit, il a une vie, donc tu l'as ressemblé aux personnes. Car moi, j'ai une vie, et ma mère a une vie, et le chat a une vie, et le rat a une vie, et la souris a une vie. Là, tu l'as ressemblé à ceux-là. Tous ceux-là, ils ont une vie. Ils vont me dire, non, il a une vie, mais pas comme notre vie. Je dis, barakallahu fik, il a deux mains, pas comme notre main. La même chose. Si je te dis, Allah subhanahu wa ta'ala, il entend ou là il n'entend pas. Si tu dis il ne m'entend pas, il n'entend pas Allah Azzawajal. Je te dis kafir. Si Allah n'entend pas, là c'est une statue. Tu es devenu un kafir. Donc je vais insulter, il ne va pas m'entendre. Je vais dire des gros mots sur Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas m'entendre. Parce que tu as dit qu'il n'entendait pas. Si tu dis non, il entend. Je te dis attention, moi aussi j'entends. Ma femme m'entend, mes enfants entendent. Mon voisin entend, il dit puis si le boucher entend, attention. Tu as ressemblé Allah subhanahu wa ta'ala à tout cela. Tu vas me dire, non, il entend, c'est-à-dire, voilà, il a une nuit, hein, spéciale, propre à lui. Je te dis la même chose. Il a les yeux propres à lui. Il a lui propre à lui. Il a les mains propres à lui. Il a une descente propre à lui. Un établissement sur le trône propre à lui. Il rit un sourire propre à lui. Un rire. C'est comme ça. C'est comme ça. Naam. Si tu reconnais que l'Ospano est là, il entend, il est vivant, il parle, tu dois reconnaître toutes les autres choses et les attributs. Le kalam, al-sifat, far'an al-kalam al-dhat. Ou bien tu reconnais tout, ou bien tu nies tout. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tfadla, inshallah, prochain souhait. Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha, wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadana Allah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ouvre les yeux de notre sœur qui est avec les Ahbash. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui ouvre les yeux à tous les autres. Amin ya Rabbil Alamin. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Amin ya Rabbil Alamin. Car j'ai lu un récit qu'un prophète du nom de Yahya a eu le don de voir le diable de son apparence réelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, des fois il faisait une prière et le diable est venu pour lui faire couper la salate et il l'a pris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a pris. Les sahaba ont vu sa main du prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de faire comme ça, comme en train d'étrangler. Ensuite, on lui a dit, qu'est-ce que tu faisais à Rasulallah? Il a dit, alors que je faisais la prière, Iblis est passé devant moi pour me couper la salate. Je l'ai pris et je l'ai étranglé au point où j'ai senti la froideur de sa salive. Subhanallah, il l'a étranglé jusqu'au point où Iblis, il y a la salive qui est sortie de sa bouche et qui est tombée sur la main du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais, dire que Iblis a été mis dans une bouteille, par les femmes, quelque chose comme ça, elle dit ça, c'est du domaine des khurafats. C'est du domaine des choses qui ne sont pas vraies et qui n'existent pas. C'est du domaine des choses qui ne sont pas vraies et qui n'existent pas. Mais un prophète peut voir Iblis, peut le voir dans sa façon. Et il n'y a aucun mal à cela. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Fadlan inshallah. On se redit pour ce qui est du tawakkul. Comment faire confiance en Allah? Comment nous reprocher? Me rapprocher de lui, me rapprocher. Je me sens pas bien dans ma peau, je me sens malheureux et seul. Le plus pire, c'est me sentir que je suis loin de la foi, quel conseil pouvez-vous me donner? La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Sheikh al-Albani, dans Sahih al-Jami', un hadith sahih, il est dit, jaddidu in al-imana yubla kama يبلى ثوب إن الإيمان يبلى كما يبلى ثوب إلى ذي جددوا إيمانكم اسألوا الله سبحانه وتعالى يجدد إيمانكم نعم الخوفة عليه الصلاة والسلام قال في حديث كل إيمان الإيمان يعني كنا دون لو كور لا فوا هذه إلى ذي سا سوز كم أن فاتمون سوز إيماجيني أن فاتمون جو في متر أن مونتو ولا أن فاتمون بوندون 5 أن سون لونبي كيس كيل فا دوفونيغ elle va devenir des lombos, elle va être usée. Il faut que j'achète un nouveau vêtement. L'iman, ça s'use. Il faut quoi? Il faut que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te le renouveler. Quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te le renouveler, et il t'aide et il t'exauce, tu sens qu'il est redevenu chez toi. Mais bien sûr, pour être renouvelé l'iman, c'est pas seulement tu fais le doigt pour que l'iman soit renouvelé dans ton cœur, il faut que tu fasses des choses que beaucoup ne font pas. C'est-à-dire que tu fasses beaucoup, par exemple, de nafila. Que tu fasses, par exemple, le jeûne lundi et jeudi. Que tu donnes un peu d'argent nafila. Que tu fasses un peu la prière la nuit. Que tu t'éloignes un peu des choses qui détournent du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens se plaignent, ils disent, j'ai pas la faveur ou la faveur de la foi. J'ai pas le plaisir de la foi dans mon cœur. Car la foi, barakallahu fikoum, c'est quelque chose dont tu sens le halawa, c'est sucré. Tu sens quelque chose de sucré dans ton cœur. Ensuite, tu sens ta poitrine, yani, masha'Allah, yani, s'ouvrir. Ensuite, tu te sens le plus heureux alors que tu ne travailles pas et tu manges du pain et du lait. Tu manges du pain et du lait. Tu ne travailles pas et tu te sens le plus heureux de ce, de tout le monde. Pourquoi? De tout le monde. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose qui s'appelle halawa al-iman, qui est descendu dans ton cœur. Cette halawa, c'est comme si tu mangeais quelque chose de sucré. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dhaqa ta'am al-iman. Dhaqa ta'am al-iman. A goûté la saveur de l'iman. C'est comme si quelque chose qui se mange, subhanallah. Dhaqa ta'am al-iman. Il a dit, thalathatun man kunna bihi, wa man kunna fihi, wajada bihinna halawa al-iman. Et trois choses. Si elles sont une personne, il trouvera halawa, la sucrerie. Je dis comme ça, la sucrerie. La sucrerie de l'iman. Donc nous tous, on a l'iman dans le cœur, mais il est différent d'une personne à une autre. Moi, il se peut que aujourd'hui j'ai halawat iman, ensuite je ne vais pas l'avoir deux mois. Ensuite, elle va revenir. Ensuite, il se peut que moi, j'ai par exemple mon thermomètre de halawat iman, de la sucrerie, mon thermomètre est au 20. Dans une semaine, il va être au 10. Ensuite, il va être au 6. Ensuite, il monte, il est au 22. D'après quoi? D'après, qu'est-ce que tu fais pendant la journée? Qu'est-ce que tu as fait pendant ce mois? Où tu as passé ce mois? Tu l'as passé en face de la télévision ou bien en face des livres en train de lire? Tu l'as passé dans des halaqat, dans la mosquée, en train d'écouter les doros, ou là tu l'as passé au cinéma et en train d'écouter la musique? Allah Azza wa Jalla a dit, مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ. Il a dit, je n'ai mis à personne deux cœurs, dans son corps. Tous, on a un seul cœur. Il te dit, choisis ton cœur. Tu veux le faire pencher vers moi, ou bien tu veux le faire pencher vers ce bas monde. Choisis. Beaucoup veulent joindre entre les deux. Tu peux pas. Tu vas vivre, yani, en contrariété, en contradiction. Il faut que tu prennes un chemin. Tu dises, je voudrais que mon cœur ne batte que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, n'est pas interdit que je mange, que je boive, que je discute, que je plaisante, que j'aille me promener, que j'aille je ne sais pas où, ce n'est pas interdit. Mais mon vrai but, c'est que je vis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est en plus. Je le fais pour me détendre, c'est pas mon but. Le kafir, c'est ça son but. C'est se promener, manger, boire l'alcool, faire la zina. C'est ça son but. Toi, non. Ça, je me promène, je le fais pour détendre l'atmosphère. Mais, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé l'être humain et le djinn seulement pour m'adorer. Je suis tout le temps dans l'adoration. Le vrai croyant, c'est celui qui jamais, au grand jamais, ne peut oublier Allah une seconde. Sauf si, quoi, s'il est évanoui ou bien s'il dort. Ou bien, il est tout le temps avec le zikr, subhanallah, alhamdoulilah, la ilaha, il ne s'arrête jamais. Ou bien, même s'il ne fait pas le zikr avec sa langue, c'est son cœur. Il sent une relation, une liaison entre son cœur et Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a jamais de coupure. Il n'y a jamais de coupure tant qu'il est conscient. C'est pour ça que Ibrahim alayhi salam, quand il a fait le dialogue avec le kuffar, qu'est-ce qu'il leur a dit? فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفِلِينَ. Quand il a vu la lune, il leur a dit, c'est ça mon Dieu. Ensuite, quand la lune est partie, là, on n'a plus vu, il a dit, j'aime pas les choses qui partent. Il voulait dire que Allah, c'est quelque chose qui part pas. Quelque chose avec laquelle j'ai toujours une liaison. La lune est partie. Ensuite, il a dit le soleil. Ensuite, il a dit le soleil est parti. C'est pas mon Dieu. Non. Vous voulez remontrer comment vous adorez quelque chose qui part. Tu adores en toi la lune. Et quand il n'y a pas la lune, donc tu n'as pas de Dieu. Et que tu adores le soleil. Quand le soleil se couche, là, ton Dieu est parti. Non. Moi, mon Dieu, c'est qui ne part pas. Il est toujours, je suis toujours en relation avec lui. Donc, quiconque, Allah subhanahu wa ta'ala, ne lui donne pas la sucrerie, hein, halawat iman, c'est pas comme ça en français, mais inchallah, juste pour que vous compreniez ce que je veux dire. Quiconque, là, je ne lui donne pas dans son cœur, il sent quelque chose de sucré, il se sent le plus heureux, il sent qu'il a un paradis dans son cœur. Si tu sens pas cela, ittahim imanak. Donc dis, ma foi a des problèmes. J'ai des problèmes de foi. Je ne suis pas, yani, dans le vrai chemin. Yani, il me manque beaucoup de choses. C'est comme ça qu'on doit dire. Naam. Car c'est le thermomètre. Chacun a un thermomètre en soi. C'est quoi? C'est le cœur. Tu sens dans le cœur, masha'Allah, tu te sens heureux. Tu ne vis que pour Allah. Tu es même, tu as des souhaits comme ça dans ton cœur. Quand est-ce que tu mourrais? rencontrer, je vais mourir, je vais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais voir le prophète, je vais aller au paradis, inclus du plus heureux. Ce bas monde, pour toi, c'est comme des excréments. C'est une mouche pour toi, ce n'est rien. Ça veut dire que ton iman est mashallah. Mais si c'est le contraire, tu ne vis que pour l'argent, que pour construire, que pour bâtir, que jamais, au grand jamais, tu ne sentiras la sucrerie de l'iman dans ton cœur. Pourquoi ? Parce que Allah Ta'ala a dit, je n'ai donné à toute personne qu'un seul cœur. Naam, wa ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfihi. Tu choisis ton cœur. Tu voudrais qu'il batte pour le paradis Allah, ou qu'il batte pour l'euro et le dollar. Tu choisis. Tu ne peux pas battre pour les deux. C'est comme un verre. Un verre, tu ne peux pas mettre en même temps le lait, en même temps le jus de fruit, en même temps l'eau. Non, tu choisis ou bien l'eau, ou bien le lait, ou bien le jus de fruit, ou bien l'huile, ou bien l'alcool. Tu choisis ce que tu vas mettre. Tu as un seul cœur. Pour qui tu voudrais qu'il batte? Est-ce que tu as réfléchi, tu as médité pourquoi tu vis? Quel est le chemin que tu as choisi? Quand tu choisis ton chemin, tu choisis l'hadaf, le but, tu commences à travailler pour ce but. Tu fais le djihad de ton âme, pas le djihad du revolver, le djihad de ton âme pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit ravi de toi. Tu ne parles qu'avec les gens que Allah aime. Tu ne t'habilles que dans la façon que Allah aime. Tu ne regardes que les choses que Allah aime. Tu ne parles que des choses que Allah aime. Tu n'écoutes que les choses que Allah aime. Tu ne manges que les choses que Allah aime. Tu ne vas aux endroits que Allah aime. Et comme ça. Là, Allah Azza wa Jal, il est chapeur. Il va te faire descendre dans ton cœur des choses. Comme disaient les salafs, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient Wallah, Wallah et Wallah. Si les gouverneurs et les rois et leurs fils, yani hadou, les tyrans autrefois qui étaient des tyrans, Wallahi, s'ils savaient ce qu'on a dans le cœur, comme halawa, etc., Wallahi, ils nous auraient fouettés. Mais, alhamdoullah, que c'est quelque chose qu'Allah donne dans le cœur seulement. Dans le cœur. Tu vois cette personne qui te paraît le plus misérable, le plus pauvre, et qui n'a rien, celui-là, il est plus heureux que toi, parce qu'il a quelque chose dans l'iman qui est dans le cœur, avec sa sucrerie, halawa. C'est pour ça que Cheikh l'Islam, qu'est-ce qu'il disait, quand on l'emprisonnait, il disait, oh, ماذا تفعلون بي? Qu'est-ce que vous allez faire de moi? جنتي في صدري. Mon paradis est dans mon cœur. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Moi, j'ai un paradis de science, de savoir, de iman, de coran, de sunna, ahadith, fiqh, sirah. J'ai un paradis dans mon cœur. Qu'est-ce que vous pouvez me faire? C'est impossible. Vous me tuez, je meurs shahid. Vous me faites sortir de la ville, pour moi, c'est siyaha. C'est siyaha, c'est touriste, c'est du tourisme. Comme vous me faites sortir du pays, c'est du tourisme pour moi. Vous m'emprisonnez, jannati fi sadri. Vous m'emprisonnez, mon paradis marche avec moi dans mon cœur. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala yu'inana. Ma soeur qui m'a demandé cette question. Fais inshallah les nawafil. Commence à faire des nawafil. Et tu verras Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il va descendre dans ton cœur. Car c'est lui qui a dit dans le hadith sahih. Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit dans le hadith qudusi. Hadith Qudsi sahih. Qu'est-ce qu'il a dit? وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et ma créature, ma zèle, qui est toujours en train de se rapprocher de moi avec les nafilettes. Ma'am. La créature se rapproche d'Allah, c'est pas en faisant l'obligatoire, c'est en faisant la nafila. C'est quand tu fais la nafila que tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'obligatoire, on est tous obligés de le faire. Si tu le fais pas, tu vas aller en enfer. Et le surérogatoire nafila, tu n'es pas obligé de le faire. Si tu le fais, tu as des ajr. Et toi, tu le fais. Donc, ça se voit que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que il a dit, وَمَزَلَ عَبْدِي يَتَقَرَبْ إِلْيَا بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et voilà ma créature qui s'approche de moi, se rapproche. Tu voulais savoir comment se rapprocher. Rapproche-toi avec les nawafil. Et ma créature se rapproche de moi en faisant les nawafil jusqu'à ce que je l'aime. Subhanallah. Hatta uhibbahu. Jusqu'à ce que je l'aime. Je l'aime avec les nafila. Fa idha ahbabtuhu, si je l'aime, je serai sa main avec laquelle il prend. Son pied avec lequel il marche. Son oreille avec laquelle il entend. Naam, ses yeux avec lesquels il voit. Et s'il me demande, je lui donne. Et s'il me demande de lui pardonner, je lui pardonne. Voilà, c'est un hadith sahih. Subhanallah al-Azim. Comme je disais tout à l'heure, il sera ta main. Il sera ton pied. Ça veut dire tu ne prendras que les choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime avec ta main. Tu n'iras qu'aux endroits où Allah subhanahu wa ta'ala aime, parce qu'il est devenu ton pied. Ça veut dire qu'il guide ton pied, il guide ta main. Tu ne verras que les yeux que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Pourquoi? Tu ne verras avec tes yeux que les choses dont Allah aime. Pourquoi? Il a guidé tes yeux. Naam. Il a guidé tes oreilles. Et comme je disais, et si quelqu'un passe son temps de la journée au soir, en train de rire du matin au soir, et en face de la télévision, du matin au soir, ensuite il dit, j'ai pas la halawa, je trouve rien dans mon cœur, il faut que quoi? Il faut que tu te plaignes toi. C'est toi le fautif. Tu es du matin au soir à la télévision. Et tu n'apprends rien, tu n'ouvres pas un livre, tu n'y pas le Coran, tu ne cherches pas les doros, et tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, astaghfirullah wa la hawla, tu veux alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse du piston. Toi tu ne fais rien, il te donne. Là, là, là, là. Là. Voilà, in shakartum na azidannakum. In shakartum. La in shakartum na azidannakum. Si tu fais, tu touches Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais ce qu'il aime, il t'ajoutera. Mais, tu ne fais rien et tu veux qu'il change, tu veux qu'il change ton état, il ne le change pas. Car c'est lui qui a dit dans le Coran, إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Allah a dit dans le Coran, je ne change pas d'une personne son état jusqu'à ce qu'elle change elle-même. Non, elle-même, elle, jusqu'à ce qu'elle veuille. Elle veuille changer et elle commence à travailler pour changer. Là, je lui changerai son état de pauvreté à richesse, d'hypocrisie à sincérité, de pas de foi à beaucoup de foi. Et fois avec, masha'Allah, halawa. Et comme ça. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-ad. Fakr, inshallah, prochain souad. Quand je suis rentré dans l'islam, je n'ai pas prononcé shahada. J'ai été ignorant sur cela. Ça fait maintenant 4 ans, toutes mes œuvres sont vaines. Allah subhanahu wa ta'ala n'annule jamais à quelqu'un ses actions, ou là, ou bien le châti, ou là, quand il est ignorant. J'ai dit tout à l'heure du hadith que quelqu'un qui était ignorant, et il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas, si on me brûle et on me broie, il ne peut pas me regrouper. Et lui a pardonné. Donc toi, tu ne savais pas qu'il fallait dire cette chose. Mais dans ton cœur, tu reconnaissais que la ilaha illallah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est son prophète et que l'islam, c'est le vrai din. Allah subhanahu wa ta'ala, jamais il ne fera de tes œuvres qu'elles soient nulles. Jamais, car c'est lui le plus juste. Car c'est lui le plus juste et celui qui pardonne à tous ceux qui se sont trompés. À tous ceux qui se sont trompés. Laysa alaykum junahun fima akhta'tum. Et comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa alaykum junahun fima akhta'tum bih. Il a dit des choses dont, ou bien où vous êtes trompés, je les pardonne. Naam. Moi, quand il y a un verre ici qui est plein de quoi? Qui est plein d'alcool. Et je croyais que c'était de l'eau. Et je prends ce verre et je le bois, car j'ai soif. Et je le bois, ensuite je me dis, la hawla wa la quwwata illa billah, c'est de l'alcool. Et je le pose. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va me châtier? Jamais, au grand jamais. Ma'adallah, c'est plus juste. Pourquoi? Je ne l'ai pas fait exprès. Je l'ai fait avec l'intention de boire de l'eau et je me suis trompé. Et le contraire est vrai. Le contraire est vrai. Ça veut dire, je pose un verre plein d'alcool, un verre d'alcool ou de vin, je le pose devant la fenêtre. Et je vais dire, dans 5 minutes, je vais le boire. Ensuite, vient mon fils qui va passer, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Il le jette, il dit, c'est du vin, c'est quoi ça? Il le jette et il va le remplir d'eau. Il va le laisser là-bas. Après 5 minutes, moi je prends le verre, je croyais que c'était toujours du vin. Et je le bois. Et ensuite, je découvre que c'est de l'eau. Allah Azza wa Jalla va m'écrire comme si j'ai bu du vin. Et pourtant j'ai bu de l'eau. Naam, tu as bu de l'eau avec l'intention de boire du vin. Et le premier a bu du vin avec l'intention de boire de l'eau. Il y a une grande différence. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala, innam al-a'mal bin-niyyat. C'est la chose la plus essentielle, c'est l'intention. Quand on se trompe, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à celui qui se trompe. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc, abshir, akhi, abshir, mon frère, ma soeur, abshir, inshallah ta'ala, tu es, inshallah ta'ala, dans le vrai chemin. Fadal, prochain souhait. Naam, je lis une seconde quelque chose en privé, juste une minute et je reviens, inshallah. Naam, je disais que Bismillahir Rahmanir Rahim, Salam Alaykum, Salam Alaykum. Cheikh, ma grand-mère voudrait savoir si c'est sunna de faire un repas lorsqu'une personne est morte et 40 jours après sa mort, car elle croit que ce sont des hasanat pour le mort. Elle parle pas français, parle l'algérien, elle vous écoute. يا يما حبيت نقول لك حاجة ان شاء الله راكي تسمعي فيا وتفهميني مليح. هذا الربعين هذا اللي احنا نعيطوا له الربعين هذا مع الاسف هو منتشر عند كثير من الناس يديروه. امسح يا يما حبيت نقول لك باللي هذا العلماء يقولوا باللي هذا حرام، يقولوا باللي هذا بدعة. علاه؟ خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم ما داروش وما داروا حتى واحد لا من الصحابة ولا التابعين ولا العلماء الكبار، حتى واحد ما دار هذا الشيء. فالإنسان لما ينوي يقول أنا كي ندير ندي حسنة، الله سبحانه وتعالى ما يعطيش الحسنات، يعطيك الحسنة الله سبحانه وتعالى كي تتبعي الشرع، كي تتبعي واش موجود في القرآن وتتبعي الحاجة اللي دارها الرسول صلى الله عليه وسلم. صح واحد يتبع حاجة يداروها الناس ولا داروها جداده جدوده ولا داروها الجيران يقول هذه عادة تاع بكري، هذيك الله سبحانه وتعالى ما يحبهاش. لا تحبي الحسنات، حبي تدي الحسنات تتصدقي على هذا الميت. نعم هذا الميت تاخذي مبلغ من المال تتصدقي عليه، ولا تعطي الواحد مثلا يروح في مكان مثلا عمره ولا حج، ولا اذا كان هو مازال ما حجش ولا ما راحش العمره ومات الله يرحمه، ولا تتصدقي عليه تاخذي جزء من المال تمديه للفقراء، ولا تبني له بير، ولا تبني بالدراهم مسجد، ولا تشري مصاحف ديرهم في المسجد. هاو الشيء اللي يحب الله سبحانه وتعالى وهو الشيء اللي يعطيك عليه الاجر. اما الانسان يروح يدير الربعين ولا يدير ست ايام ولا يدير هذه الامور، هذه كلها يغضب عليها الله سبحانه وتعالى. يقول لك انا بعثت رسول باش تطيعوها، انتم على ما طعتوش ورحتوا تجبدوا امور من بالكم وتتبعوا واش داروا الناس بكري. لما تتبعش واش داروا الناس بكري، تبع واش قال الله واش قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. حبيت نقول لك اذا هذه تاع الربعين هذه ما عندهاش اصل في الدين، والعلماء قالوا حرام وبدعه، واللي يديرها يدي الاثم ماشي يدي الحسنه، يدي الاثم. علاه؟ خاطر راه يجبد في امور اللي ما كاش منها ويدخلها في الدين. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل بروشان سؤال ان شاء الله. Est-il halal de dire arriver au 7e ciel lorsque nous sommes très heureux? Là, je n'ai jamais entendu dire quelqu'un dire cela quand il est heureux. Et quand je suis heureux, je dis, je suis arrivé au 7e ciel. Je ne sais pas, j'ai jamais entendu quelqu'un dire cette chose, mais s'il l'a dit sans sens, ce n'est pas grave. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Mais je n'ai jamais entendu dire quelqu'un ni donner le choukm de cette chose. Fadda, inshallah, prochain soir. Une sœur dit, est-ce qu'en faisant des jours de jeûne sur le foie, on se rapproche d'Allah? Bien sûr, ce concerne le... Je reviens sur ce que j'ai dit. Ce concerne, on dit, arriver au 7e ciel, bien sûr, de préférence, on ne le dit pas. De préférence, on ne le dit pas, car yani, c'est un mensonge. Arriver au 7e ciel, si on disait arriver au ciel, c'est yani, moins grave. Hein? Je me suis tellement énervé que je ne sais pas, je suis arrivé au ciel. Mais 7e ciel a une préférence, éviter les choses que les salafs n'ont pas dit. Au mieux, s'éduquer, comment parler les salafs, radiyallahu ta'ala anhum, quand ils étaient en colère et quand ils étaient yani, dans la joie aussi. Comme la prière surrogatoire. Naam, une sœur dit, est-ce qu'en faisant 10 jours de jeûne surrogatoire, on se rapproche d'Allah? Naam. N'ai-je pas dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa mazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Naam. Quand tu fais les nafilat, Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Commence à t'aimer. Et s'il t'aime, il dit qu'est-ce qui va se passer? S'il t'aime, il guidera ton pied, il guidera tes yeux, il guidera tes oreilles, il guidera ta main. Et si tu lui demandes quelque chose, il te la donne. Pourquoi? Parce que tu fais des choses qui sont pas obligées. Je vous ai toujours donné un exemple. Regardez cet exemple, il est 2 mois, de toute façon, hein, il est 2 mois, chaud. Quand tu payes quelqu'un qui travaille chez toi, de 8h du matin à 16h de l'après-midi, par exemple, disons 10€ par jour. Quand il termine à 16h, il va pas. Il reste et il continue à travailler chez toi. train de bâtir ou de peindre la maison ou là, tu lui dis, Esma, c'est terminé l'heure. Yani, je vais pas t'ajouter. On a dit 10 euros, tu termines à 16 heures. Donc, non, non. Ça, c'est en plus, ça. Hein. En plus. J'aimerais faire à chaque jour 2 heures supplémentaires de moi. Yani, m'andé. Je dis, subhanallah. Il va pas prendre l'argent, il le fait comme ça. Donc, c'est sûrement quelqu'un qui m'aime, subhanallah. Il me veut du bien. Non, normalement, il me demande l'argent, mais il le fait surérogatoire. Donc, c'est un délit que celui-là, yani, vraiment, il m'aime. C'est la même chose ici. Quand tu fais toi le sop d'or, Asr, Maghreb, Isha, ce n'est pas un délire que tu aimes Allah. C'est peut-être un délire que tu as peur d'Allah. Tu as peur demain, tu n'as pas fait la prière, c'est cause de grave. Et maintenant, personne ne t'a obligé de faire 4 avant le d'or, 2 avant le, après le d'or. 2 après le Maghreb, 2 après le Isha, 4 avant le Asr, si tu veux, Rahimallah, Umra, Insallah, Arba'an, Qabl al-Asr, la nuit. Tu dors, tu te lèves à 2h du matin, tu fais 4, 6, 8, subhanallah l'adim, personne ne t'a obligé. Si tu fais cela, c'est un délit que tu aimes, yani, subhanahu wa ta'ala, et que il a, khlas, il t'a aimé. Il t'a aimé ou là, il va t'aimer. Et si Allah subhanahu wa ta'ala aime quelqu'un, khlas, c'est le plus heureux. Comme a dit Ibn al-Qayyim, dans Qawli ta'ala, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Là, je l'ai dit dans le Coran, yuhibbuhum, il parle des sahaba. Ibn Qayyim, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a. C'est pas, il aime Allah. Non, ça c'est pas grave. Tout le monde peut dire j'aime Allah. Mais, yani, yuhibbuhum. Subhanallah, Allah t'aime. Non, c'est ça, yani, le plus important. Aimer Allah, tout le monde peut dire j'aime Allah. Tu trouves, yani, sous, quelqu'un qui est sous, il sort d'un bar, tu lui parles du Coran, ça, il commence à pleurer. Commence à pleurer, oh Allah, moi j'aime Allah, Inch'Allah, je vais commencer la prière, Inch'Allah, je vais aller au Hajj, etc. Tout le monde aime Allah. Mais est-ce qu'Allah aime cette personne? Ah, une mouchkila. Est-ce qu'Allah nous aime? Sinon, tous on dit qu'Allah, on l'aime. Non. Donc, nafil, Inch'Allah, elle te permet d'attirer l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Fadla, Inch'Allah, prochaine question. Non, pose, Inch'Allah, les questions au sujet, un quart d'heure et on ferme la salle, Inch'Allah, fadla. Un frère à son travail trouve toujours un endroit pour prier, mais a du mal à aller dans les toilettes pour faire les ablutions. Il n'a pas toujours la possibilité, peut-il faire le tayammum? Bismillahirrahmanirrahim, salat salam ala ashraf al-mursalin. D'abord, il faudrait que vous sachiez que pour faire les ablutions, on n'est pas obligé d'aller aux toilettes. Il faudrait savoir que pour faire les ablutions, on n'est pas obligé d'aller aux toilettes. On peut faire les ablutions directes après avoir perdu les ablutions. Si c'est par gaz ou là, c'est pas la peine d'aller aux toilettes. On va aux toilettes quand on a uriné, ou là on a fait autre chose. Pourquoi je dis cela? Parce que certaines personnes ne savent pas. Et ils croient que dans chaque ablution, pour chaque ablution, il faut aller aux toilettes se laver par devant, par arrière. Là, bien sûr, ça c'est faux. Si on n'a rien fait par devant, par arrière, c'est pas la peine d'aller aux toilettes. Même si on a eu des gaz ou là, des gaz, c'est pas la peine à cause d'eux d'aller aux toilettes. Entre parenthèses, j'oublierai pas de dire ici, puisque je parle de fiqh, que vous pouvez toujours m'envoyer vos contrôles. Vos contrôles, j'avais dit que c'était jusqu'à aujourd'hui, mais ce n'est pas aujourd'hui que j'ai fiqh. Le fiqh, c'est mercredi. Donc vous pouvez toujours envoyer vos contrôles jusqu'à mardi, inshallah ta'ala. J'en ai reçu une dizaine à peu près. Les autres, vous envoyez, inshallah ta'ala, vos contrôles jusqu'à mardi, inshallah ta'ala. Donc, si quelqu'un est dans un travail, ou là, dans un endroit, où il sait que il n'a pas comment faire les ablutions, et que s'il ne fait pas la prière va sortir de son heure, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le tayammum. Et le tayammum, ne me dites pas qu'il n'y a pas de tayammum. Le tayammum, c'est quand tu mets les deux mains sur le mur, s'il n'est pas en carton ou là, papier peint ou là, si c'est un mur normal, un mur avec des briques, un mur, même s'il est peint, ça ne fait rien, ou là sur le parterre qui est dalle de sol, ou là, ça s'appelle, ou les plaintes, ou là, comment ça s'appelle, carrelage, tu mets les deux mains, tu dis bismillah, et le visage, et les mains, jusqu'au poignet, c'est tout. Classe. Tu n'as plus besoin d'ablution, bien sûr, dans le cas où il n'y avait pas d'eau, ou il y avait l'eau et tu ne pouvais pas faire l'ablution, parce que tu es malade, ou là, ou une excuse valable, inshallah ta'ala. Tu vas voir le prochain sou'al, inshallah. Une sœur dit, en fait, c'est pour une sœur convertie qui demande, mon père s'est suicidé. C'est un homme bon. Je suis sûr que quand il est mort, il ne connaissait pas la religion d'Islam. Alors, puis-je faire pour lui des doigts pour qu'il entre au paradis? Sinon, puis-je demander à Allah qu'il diminue son adab fi jahannam? Il demande quel est le statut de salat janaza pour les femmes. Barakallahu fi shaykh, hayakallah, wa rafa'a, wa rajat, amin. Ça y est, quand quelqu'un se suicide, c'est un grand péché. Ce n'est pas quelqu'un de clair, ça va. Quand quelqu'un se suicide, s'il reconnaît que le suicide est seulement haram, haram, il dit, je reconnais que c'est haram, et le fils n'est pas un kafir, il meurt, ensuite, ou bien il lui pardonne, ou bien il le fait rentrer en jahannam, et il le fait sortir, parce qu'il a fait quoi? Il a fait un grand péché. Mais le plus grand péché, c'est le shirk. Elle a dit, il était kafir, walakin, je suis sûr qu'il ne connaissait pas la religion de l'islam. Non, il ne connaissait pas la religion d'Islam. Quiconque n'a pas connu la religion d'Islam ou n'en a jamais entendu parler. Donc il vivait dans un endroit où il n'en a jamais entendu parler, mais ça lui est venu une idée de l'Islam dans sa tête. Celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, lui fera l'épreuve le jour du jugement dernier. Comme c'est dans le hadith sahih. Mais quiconque sait, il dit, voilà, il y a l'islam, le christianisme, moi j'aime pas l'islam, moi j'aime le christianisme, moi j'aime le bouddhisme, moi j'aime. Celui-là, il a pris le chemin, il a choisi. On parle de quelqu'un qui n'a jamais su, ne savait pas. Celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui fera une épreuve le jour du jugement dernier. Lui fera une épreuve le jour du jugement dernier, comme c'est dans le hadith sahih. Maintenant, certains gens, qu'est-ce qu'ils disent? Regardez ce qu'ils disent. Ils disent, mais maintenant, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il n'y a pas un chrétien ou bien un juif qui entend de moi et qui ne rentre pas en islam sans que demain il va aller éternellement en enfer. Non. Donc, qu'a dit le hadith? Il a dit que quiconque chrétien ou le juif entend l'islam et il ne rentre pas, il est jahannam khalid. Nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on dise les ulama. On dit na'am. Le hadith a dit, mais il entend de moi. Ça veut dire que le juif ou le chrétien, il doit entendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un vrai prophète. Et qu'il était masha'Allah et ceci, cela, et il ne croit pas. C'est pas quand on amochit. On donne une mauvaise et très très mauvaise et très moche image du prophète, on la donne aux chrétiens. Le chrétien, il ouvre un livre, qu'est-ce qu'il lit? Le prophète, c'était quelqu'un qui aimait les femmes. Moi, j'ai vu même une fois dans un site qu'il aimait même les hommes. La hawla wa la quwwata illa billah. Na'udhu billah min hadha al-kufr. Donc c'est possible qu'il lit ça dans un site. Dans un site, il dit que le prophète faisait des choses avec des enfants, avec des hommes. La hawla wa la quwwata illa billah. Et que le prophète, c'était quelqu'un d'injuste. Que le prophète, c'était l'épée. Il trouve quelqu'un, il lui tranche la tête. Et qu'il trouve quelqu'un, tu crois pas en islam. Allez, je t'enlève ta tête. Et il brûlait les maisons et ceci. Est-ce que ce chrétien a entendu parler du prophète? Il n'a pas entendu parler du prophète. C'est pas celui-là le prophète. Abadan, celui-là n'est pas le prophète. Celui-là, c'est un escroc. Naam, c'est quelqu'un qui a pris sa personnalité. Mais le vrai prophète, c'est pas celui-là. Il faudrait qu'il entende du vrai prophète et qu'il dise non, je ne reconnais pas ce prophète. Je ne l'aime pas. Je ne le veux pas. Celui-là, le kafir. Mais c'est pour ça que il est très difficile à quelqu'un de dire, je te jure par Allah que cette personne va aller en enfer. Cette personne X là-bas va aller en enfer. Qui t'a dit toi que vraiment il a connu l'islam celui-là? Qui t'a dit qu'on lui a montré le vrai islam et qu'il l'a connu? Qui t'a dit? Il y a beaucoup, même pour Osmo, pour Masakin, les pauvres, les convertis. Beaucoup d'eux, quand ils font la conversion vers l'islam, c'est la conversion via quoi? Via Tablir. La conversion via le Rawafid, Shirit. Via soufisme. Est-ce celui-là, il a connu l'islam? Il n'a pas connu le vrai islam. Il a connu un faux islam. on lui a montré un islam qui est possédé pour ça, qu'il va fuir. On lui apprend comment dire des choses sur Aïcha, on lui apprend yani, des choses vraiment fausses, et celui-là, il va pas continuer son chemin. Non, celui qui a fait sa conversion, qui n'est pas tombé dans des gens les vrais, c'est parce qu'il va apprendre le faux islam des Ahbash, l'islam des Tablir, l'islam des soufismes, l'islam des chiites, l'islam des... et comme ça. Donc, c'est pour ça que yani, vous là-bas en Europe, ça, vous avez un grand rôle. Vous avez un grand rôle à jouer envers les gens qui sont à votre gauche, à votre droite, en face de vous, derrière vous. Au lieu de passer le temps à yani, plaisanter, à je ne sais pas quoi, dis-toi, j'ai une grande, grande responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces gens sont égarés. Maintenant, la responsabilité m'incombe que j'apprenne le dîme pour le montrer. C'est pas tu vas leur montrer avec l'ignorance. Non, jamais. Tu es ignorant, il vaut mieux que tu te taises. Parce que si tu vas parler, tu vas les faire fuir. Donc, dis-toi, je suis ignorant, je me tais. Mais, je suis obligé d'apprendre pour leur montrer le vrai islam, le beau, le bel islam. L'islam comme il est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas l'islam des tablir, des ahbash et des rawafiz et des chiites ou l'ayyadu billah. Donc c'est comme ça, ma soeur, c'est comme ça. Toi, tu ne sais pas, inshallah ta'ala, ce qui va se passer demain, parce que je ne sais pas, et tu ne sais pas, si la connu l'islam, il a dit, je le veux pas, ou là, si c'est quelqu'un qui n'a jamais entendu de ces choses, etc. C'est pour ça que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, de quoi? Tu demandes toujours à Allah subhanahu wa ta'ala, la guider et la guidance. Tu demandes toujours à Allah subhanahu wa ta'ala, la guider, et Allah subhanahu wa ta'ala est très juste. Très juste. Si ton père n'a pas connu l'islam, on lui a pas montré, et jamais ou là on lui a montré une fausse image de l'islam, mais il l'a pas accepté, c'est le péché de ceux qui ont amoché l'islam. C'est pas à lui le péché. Le péché c'est à ceux qui lui ont pas montré ou là lui ont donné la mauvaise image de l'islam. Voilà, hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Quel est le statut de la janaza pour les femmes? Barakallahu fik. Naam, les femmes font la salat al-janaza. Mais, quand elles suivent la janaza, c'est pas très recommandé. Naam. Comme a dit le sahabiya radiallahu ta'ala anha, je crois que c'est Umm Salama, elle a dit que, yani, nahana an tiba' al-janaiz wa lam ya'zam. Il nous a déconseillé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déconseillé de suivre le janaza, mais lam ya'zam. Mais, yani, il n'a pas insisté. Ça veut dire, si une femme, puis la janaza, c'est makruh. De préférence, elle le fait pas. De préférence, elle le fait. Mais salat al-janaza, elle le fait. Salat al-janaza, quand elle est dans la mosquée, par exemple, il y a quelqu'un sur lequel on va faire la janaza, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la prière comme les hommes. Elle fait la prière à la janaza. Comme faisait Aïcha, radiallahu ta'ala anha, sur les deux frères de Souhail, radiallahu ta'ala anha. Vous avez dit la dernière fois que nous pouvons prier debout si nous avons peur de nous faire attraper. J'ai fait cela en cachette. Le travail, comment dois-je procéder, pour l'ordre, puis-je faire tayammum? En principe, quelqu'un, avant de sortir, le matin, il prend les armes. C'est quoi les armes? C'est Kalachnikov et le revolver? Les armes, c'est l'ordre. L'ordre, il fait un ordre avant de sortir, et il sort. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la yuhafidu ala l'ordre illa mu'min. Il a dit, ne préserve son wudu, yani, ni soucieux de son wudu pour l'avoir toujours que le croyant. Le croyant ici, ça veut dire le croyant, le vrai. Celui qui a la perfection de la foi. Car la foi, c'est, bidru et sibru na shu'ba, c'est 70 et quel grand mot, hein. Quelqu'un, il a 10 grands mots de la foi, l'autre il a 30, l'autre il a 40, l'autre il a 60, et comme ça. Celui qui se préserve toujours pour avoir toujours le wudu, il ne quitte pas son wudu, celui-là, il a un rameau en plus de la foi. Il a un rameau en plus. Donc, quand tu sors le matin, tu sors, inshallah ta'ala, avec le wudu. Maintenant, si, en cours de chemin, ou là, au travail, ou là, on a eu des gaz, ou là, on a uriné, ou là, ça veut dire, on a perdu le wudu. Qu'est-ce qu'on fait? Quand arrive l'heure de la prière, on doit aller faire le wudu. Et comment qu'on doit aller faire le wudu? Est-ce que quand je vais aller aux toilettes, est-ce que c'est interdit? Est-ce que, où je travaille, il me dit, c'est interdit d'aller aux toilettes? Il ne peut pas m'interdire. Il laver dans les toilettes. Je peux faire mon wudu dans les toilettes. Je dis bismillah avant de rentrer et quand puis je fais le wudu dans les toilettes. Ce n'est pas interdit. Non, pas interdit. Tu donnes de ton dos à l'endroit où on fait nos besoins. Tu donnes de ton dos et tu fais le wudu. Maintenant, quant à la prière, on est obligé, quand quelqu'un fait la prière, on est obligé de la faire debout. On la fait assis que si on peut pas, ou là on est malade, ou là on est dans l'avion, ou là on est dans le bus, ou là on est dans la barque. Dans la barque, comme a dit le prophète Hassan, il a dit, même dans la barque, il a dit, fais la prière debout, si tu as peur, assis-toi. C'est-à-dire, si tu as peur dans la barque, si tu la fais debout, tu peux tomber, tu peux te noyer, alors fais-la assis sur la barque. Donc, en principe, la prière, on doit la faire debout. Si on ne peut pas debout, on est malade, on se penche sur quelque chose, sur une canne ou un bâton. Si on ne peut pas, on n'a pas de bâton, on s'assoit. Et beaucoup de gens ne savent pas que, même quand on fait la prière assis, si on peut faire takbirat al-ihram debout, on la fait debout, on s'assoit. Naam. Beaucoup de gens ne savent pas. Ils s'assoient directement, ils s'assoient, ils disent Allahu Akbar. Pourquoi je suis malade? Fais-la d'abord debout, lève-toi, dis Allahu Akbar et assis-toi. Naam. Fais-la debout, le takbirat al-ihram, on doit la faire debout. Fais-la debout, Allahu Akbar. Si tu es malade, assis-toi et commence à dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pas de problème. Donc, inshallah, la prière, tout le monde doit la faire debout. Celui qui peut pas, il a des excuses, il la fait assis. Celui qui peut pas, il la fait sur son plan. Et s'il ne peut pas, il la fait avec ses yeux. S'il ne peut pas, certains disent, il la fait même avec son cœur, etc. Mais quand tu dis, nous avons peur de nous faire attraper, je dis quoi? Je dis, la hawla wa la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. C'est pour ça que je te donne un conseil, mon frère, de faire le maximum pour quitter vite ce pays. Je quitte un pays où on m'interdit de faire la prière et je la fais en cachette comme si j'étais au temps du prophète. Je suis à la Mecque. Je suis au temps du prophète et il y a Abu Jahl et il y a Quraysh avec moi. Je fais la prière en cachette. Naam. Dans l'Arqam. Je vais dans l'Arqam, comme peut dire le prophète, avec 3 ou 4 personnes, il la faisait en cachette. Vous êtes allé à cette époque où on fait la prière en cachette. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit dans le Coran, il a dit, inna ardallahi wasi'a. La terre de Allah subhanahu wa ta'ala est vaste. Qui t'a dit? Toi, est-ce qu'on t'a mis des chaînes pour rester là-bas dans ce pays? Tu ne peux pas faire la prière, tu l'as fait en cachette. Et en tremblant, je tremble. Pour que le responsable rentre. Ensuite, je rentre dans le shirk. Je ne peux pas prendre Il a mis obligé à cela. C'est dans un pays où je ne peux pas faire mon dîme. Et à cause de quoi? À cause de l'argent, je reste ou là? Moi, je ne vis que pour l'euro, je vis pour l'argent, moi. Je ne vis pas pour mon dîme. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa. Inch'Allah, prochain soual. J'ai dit à une sœur de lui faire une tunique jusqu'au genou pour le début de la semaine prochaine et j'ai déjà commencé cette sœur. Cette sœur s'habille pour le dehors en tunique et pantalon. Et c'est pas chareil. Moi, je lui dis, il faut s'entraider dans le bien. Vaut mieux que je l'aide à s'habiller comme ça. Elle s'habille serrée. Et, mais un doute me vient. Vu que c'est imiter les hommes de s'habiller tunique, pantalon dehors. Ne suis donc pas fautif en lui faisant ces tuniques et l'argent je gagnerai. Qu'en est-il? Je dois en refaire pour la prochaine fois. Chose. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit dans le Coran, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ne penchez pas vers ceux qui sont injustes, il l'a dit dans l'amour, ceux qui font le vol, l'injustice, etc. Pourquoi? Car le feu va vous toucher. Le feu va vous toucher. Ça veut dire, ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne doit pas les aider, etc. Pourquoi? Il a dit, parce que vous allez être châtiés par le feu. Il y a quelqu'un qui a demandé à un alim. Il lui a dit X des gens. On va dire X des gens. C'est quelqu'un, yani, un valem, un injuste, etc., etc. Il lui a dit, il vient chez moi, je suis couturier, pour lui, pour lui coudre son pantalon, etc. Il lui a dit, est-ce que je rentre dans le verset? Il lui a dit, non, toi, tu rentres pas dans le verset. Toi-même, tu es un valable. toi, déjà, tu es un zalim, toi. Rentre dans le verset. Celui qui t'a vendu le khet, il t'a vendu le fil et l'aiguille. Ah, déjà, celui qui t'a vendu le fil, s'il est rentré déjà, yani, il rentre dans le verset. Alors toi, khlas, tu es deux. Maintenant, quand je sais qu'une femme, si je lui coupe quelque chose, cette chose, elle va sortir avec elle dans la rue. Maintenant, si je lui coupe, si je sais qu'elle va sortir, j'ai des péchés avec elle. Parce que Allah Ta'ala dit, وَلَا تَعَوَنُوا عَلْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Regardez, je vends du pain. Est-ce que c'est interdit de vendre du pain? C'est pas interdit, boulanger. Tu as même un ajri, inshallah ta'ala. Imaginez que quelqu'un vient et me dise, donne-moi deux pains. Et que je sais que avec ce pain, il a en même temps, il va aller avec des amis, ils vont boire du vin, etc. et manger ce pain avec du fromage, etc. Est-ce que je peux lui vendre le pain? C'est interdit de lui vendre le pain. Pourtant, le pain. Oui, mais je lui vends le pain. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va le prendre et aller avec ses amis au bord de la plage et acheter la bière, etc. Donc, je ne lui vends pas le pain. Quand je vends un couteau, quelqu'un qui vend les couteaux, les cuillères, le couteau, c'est interdit. C'est pas interdit de vendre. Mais quand je sais qu'il je lui vends le couteau, pour qu'il aille faire quoi? Il aille faire comment qu'on dit ça aux gens? Il fait le couteau contre le ventre, il lui dit, tu me donnes l'argent. Donc celui-là, je lui vends pas le couteau. Pourtant, c'est un couteau, c'est tout. Une cuillère, c'est interdit de vendre une cuillère, c'est pas interdit. Mais je sais qu'avec cette cuillère, cette personne va quoi? Va boire du poison. Donc je dois pas participer. La même chose ici, ma soeur. Tu sais que tu vas lui coudre une chose et que cette chose n'est pas chère et elle va sortir dehors avec elle, tu vas aller hitm avec elle. Si maintenant tu savais pas, tu dis, astaghfirullah, je vais plus lui coudre, inshallah ta'ala. Si tu lui coudes quelque chose qui soit longue, au moins qui commence des épaules jusqu'en bas. Ne lui coupe pas des choses qui sont des pantalons et qui ressemblent aux pantalons, etc. Sauf si elle met le pantalon en bas, en dessous, du façon à ce qu'on ne le voit pas. Du façon à ce qu'on ne le voit pas. Qu'est-ce que tu peux dire à la sœur? Tu lui dis la vérité. Tu dis à la sœur, Wallah, yani, je m'excuse beaucoup. Je m'excuse beaucoup, beaucoup. Yani, je voudrais te mettre sur mes yeux, sur ma tête. Mais maintenant, j'ai entendu que yani, ce lit baisse. Yani, on ne peut pas sortir de dehors avec ce lit baisse. Je préfère yani, ne pas yani, être la cause, Wallah. Je voudrais te coudre tout ce que tu veux, si tu veux, yani, sans que tu me donnes de l'argent. Demain, inchallah, je vais te coudre deux ou la trois, les trois plus belles robes. De très belles robes, tu vas les mettre dans la maison avec tes enfants et ton mari et tes invités. Les plus belles robes. Et inchallah, ne me donne pas d'argent. Et je voudrais pas participer, hein, tu sors dehors avec tes pantalons, etc. Je voudrais pas participer. Allah subhanahu wa ta'ala, mais il faut être sincère. Et montrer à la personne que c'est pas parce que je t'aime pas, mais voilà la cause. Voilà la cause. Fadlan, inchallah, prochain souhait. Il reste 10 minutes. Une sœur veut me donner un salon qui est acheté avec de l'argent illicite. Mais je ne sais pas d'où vient cet argent et j'aimerais savoir si ça devient ici de le prendre, de toute façon je ne travaille pas et j'ai des enfants à charge. Le salon d'où il est venu et l'argent d'où il est venu, c'est pas de ton ressort. Toi, en islam, tu cherches pas, tu dis pas aux gens, d'où as-tu eu cela? Demain, il vient quelqu'un, il va me dire, je voudrais te donner cette voiture comme cadeau. Tu lui dis pas, donne-moi les preuves que tu l'as pas volée. Donne-moi les preuves que cette voiture n'a pas été volée. Tu lui dis merci, barakallahu fik, et je fais comme a dit le prophète sallam, c'est-à-dire, kafi'o, je te fais un doua. Mais quand est-ce que je prends pas la voiture, quand toi tu es connu pour être un voleur notoire. Toi tu es un voleur, tout le monde le sait. Et ta photo elle est même dans le journal, sur le journal. Ensuite tu m'apportes une voiture, je sais que tu l'as volée à 90%. Mais les personnes mostor, ça s'appelle mostor, dont on ne sait pas qui il est, ni d'où il a ramené son argent, on prend cette chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les juifs l'invitaient et ils mangeaient chez eux. Et les juifs, qadillah azzawajal 2, il a dit, akkaluna lis-suht. Il a dit, les juifs mangent la riba, mangent suht. Naam. Et ils font la riba, les juifs, l'usure. Et ils mangent suht. C'est dit dans le Coran, akkaluna lis-suht. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'invitait à manger chez eux. Jamais il ne disait à un juif, D'où tu as eu ton argent, toi? D'où tu l'as eu? Non, on ne demande pas. Quand quelqu'un est connu notoire, ça, maintenant quelqu'un m'invite, et je sais que c'est lui, que cette personne qui m'a invité n'a d'autre travail que quoi? Il a un bar. Non, celui-là, je lui dis barakallahu fik. Parce que je sais qu'il a un bar, il travaille dans un bar, et il n'a pas d'autre chose. Mais quelqu'un que je connais pas, d'où il a eu son argent, je lui demande pas. Quelqu'un m'invite, je vais manger. Je cherche pas à comprendre, et je n'ouvre pas les cœurs des gens pour leur demander d'où vous avez eu cela. Est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram? Sallallahu alayhi wa sallam, prochain soual. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je dis, manger chez les juifs, au point où, sallallahu alayhi wa sallam, a été empoisonné, par qui? Par une juive. C'est une juive qui a empoisonné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai même oublié comment qu'elle s'appelait, Bintul Harith, Zainab Bintul Harith, naam, a empoisonné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit Cheikh Islam ibn Qayyim, il a dit au point où ça lui a fait tellement mal et tellement de séquelles qu'il est mort. Il est mort à cause de cela. Naam, il a tenu une année, deux années, il a tenu, en tout cas il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que certains ulama, comme Ibn Qayyim, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort shahid. Il est mort shahid, on l'a empoisonné, sallallahu alayhi wa sallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Est-ce que quand on demande à Allah Ta'ala le paradis dans nos doigts, on doit s'attendre à subir des épreuves et doit-on avoir peur de subir des épreuves? Est-ce que le fait de dire par exemple, ceci est mon argent, je l'ai hérité de mon père, pourra remettre mon tawhid dans le doute et ne pas attribuer le don plutôt à Allah? Non. Pour la première question, on demande le paradis à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si vous demandez le paradis, demandez le Firdaus. Et quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis, on ne doit pas mettre dans notre tête qu'on va subir des épreuves. Allah Azza wa Jalla peut te le donner sans épreuve. Allah Azza wa Jalla n'est pas quelqu'un qui, pour que tu aies une chose, il va te faire souffrir. D'accord, je vais te donner la chose, mais attends-toi, je vais donner le cancer pour avoir le paradis. D'accord, fais le doigt, ensuite je vais te donner le sida. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme ça. Ma'adallah. Tu demandes le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala te le donnera et il aime ceux qui le demandent. Et au contraire, il se courrouce des gens qui ne demandent pas. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il donne une épreuve à quelqu'un, jamais il ne donne à quelqu'un une épreuve qui le dépasse. Pour qu'il devienne, il ne supporte plus, il devient kafir. Jamais, jamais. Ça veut dire, quand il sent, tu as un peu d'iman, il te donne une petite épreuve d'après ton iman. Ton iman est un peu plus grand, il te donne une... Naam, pardon, inshallah, prochaine question. Inshallah, ça va. Oui. La dernière fois, vous avez dit que Iblis est rentré dans la bouche de Adam et il ne sont pas derrière. Est-ce que cela veut dire qu'y a-t-il un avis qui va dans ce sens? Un homme qui l'a marié lui a dit besoin de tuer, de tuteur, besoin de tuteur, il lui a dit d'avoir un témoin. C'est tout. Y a-t-il un avis qui va dans ce sens? Un madhab. Y a pas un. Je ne connais pas un avis qui dise. Y a pas de sang, hein. Y a pas de sang. S'il n'y a pas de sang, donc je sors et je reviens. S'il n'y a pas de sang, je sors et je reviens. Maintenant, il y a qui disent qu'il y a le sang, il y a qui disent qu'il n'y en a pas. Maintenant, je ne sais plus, Annie, ceux qui sont dans le vrai, ceux qui sont dans le faux. Taïb. Il y a dans le Madhab Maliki, Malikite, Madhab Malikite, ils disent, Yanni, en ce qui concerne les témoins, c'est pas la peine d'eux. Le Mohim, quand il fait le mariage devant tous les gens, devant tous les gens, ce sont eux les témoins. Ce sont eux les témoins. Mais en fait, j'ai dit il fallait deux témoins, mais si cette personne a ramené un témoin, le imam peut jouer le rôle du deuxième témoin. Il peut être lui le deuxième témoin. Naam, il peut être lui le deuxième témoin. Mais une conversation son tuteur, l'imam qui l'a marié lui a dit que vous êtes tuteur. Ah, l'imam ici. Était son tuteur. Il ne peut pas être son témoin. L'imam ici, fasse couper ton âme. Je disais que si elle peut cette sort, si elle peut, comme disent les roulamas, ils disent que quand quelqu'un fait un mariage sans témoin, ou là un seul témoin, il refait l'acte. Il le refait. Ça veut dire, il cherche deux témoins, il fait revenir le tuteur ou là un autre tuteur, et il dit à sa femme, je te donne une dot, même si n'importe quoi, et il refait cette chose. Comprends que disent les grands ulamas, comme Mohammed ibn Ibrahim, et les grands ulamas de l'Arabie saoudite. Non.